Alors, nous débutons par un exercice dont j'ai déjà parlé, quand il s'agissait de réaliser une chose désirée quelconque. On avait donné comme formule l'état suivant, désir, quoi que ce soit, plus concentration, plus suggestion, égale réalisation. Je saute une partie, mais y compris dans la deuxième. Alors, ça consiste simplement à entretenir une chaîne d'idées ayant trait à une situation désirée ou à un objet désirable. Bien entendu que cet objet doit être, ou cette situation doit être de nature bienfaisante, non seulement pour soi, mais pour tout notre environnement, afin que tous ceux qui doivent en bénéficier puissent y participer par leur intention. Alors, cet exercice de visualisation, c'est simplement imager, puisque notre faculté d'imagination consiste à reproduire des fantasmes visuels que l'on alimente par le désir que l'on a de les posséder, les conditions qu'ils représentent. Alors, l'exercice de visualisation, c'est ce qui est le plus précieux, le plus important, et qui rentre au tout début de notre concentration. Le maître nazaréen nous disait, disait à ses disciples, quand il se plaignait de ne pas avoir réussi certains des effets ou des phénomènes que le maître lui-même exhibait, il lui disait, il leur disait, quoi que ce soit que vous désiriez, quand vous priez, sous-entendu quand vous concentrez, croyez que vous le recevez, et fatalement vous le recevrez. Alors, le dernier phase de la procédure que j'appelle concentration ou suggestion, c'est simplement se croire véritablement en possession de la chose que l'on désire. La vivre avec tellement d'intensité, tellement de réalité, que l'on s'imagine que l'on s'est trompé, qu'on s'est leurré, on dit. Alors, dès que cet état d'esprit-là a été atteint, que l'on s'est cru en possession de la chose désirée, infailliblement, et à notre insu, aussi bien qu'à l'insu de ceux qui participent, se réalise. Parce que vous imprégnez l'âme universelle, qui a une qualité qu'on appelle psychoplastique, qui reçoit les impressions, aussi bien visuelles qu'auditives, qui y sont projetées. Alors, elle, l'âme universelle, qui est la cause de toute réalisation, contribue à faire réaliser cette chose-là. Puis, s'il y a quelqu'un dans votre ambiance, parmi vos connaissances, qui peuvent y contribuer, alors ils rentrent dans le jeu eux-mêmes sans réaliser qu'ils le font pour autrui, que l'idée a commencé par autrui. On a vu bien des exemples de ça. Alors, ça, c'est la première condition à atteindre, et à cultiver, être capable de visualiser une condition désirable. Peut-être très matérielle, mais le matériel contribue à l'ascension de la spiritualité. Alors, c'est le premier exercice que l'on doit faire. Et après, cette chose-là, quand on a visualisé la chose, au moment où on se croit en possession de la chose, on n'a qu'à cesser, simplement exhaler notre énergie. Enfin, je l'ai. Puis être reconnaissant envers le fait que l'on a ouvert le diaphragme, puis que la lumière a imprégné le pellicule psychique à l'intérieur de nous. Alors là, on doit cesser d'y penser. Et dès que l'on cesse d'y penser, en faisant notre projection, dire c'est fait, fiat. Là, ça se fait. Le travail de projection consiste à ça, simplement. Tout remettre dans les mains de la Providence, dire j'ai fait ce que j'avais à faire, alors je me suis aidé, alors le ciel va m'aider. Ça, c'est la première condition à réaliser. Maintenant, il y a un exercice qui... ou un état d'esprit que l'on peut atteindre, ou un état physiologique que l'on peut atteindre, qui mène à cet état-là. Être tellement absorbé par ce que l'on entretient, par les idées que l'on entretient, qu'on n'est pas conscient de notre environnement. Ça consiste d'abord à projeter notre conscience dans tout notre organisme, de manière à ce que pendant un certain temps, on réalise qu'on est conscient rien que de nos pieds, rien que de nos mollets, rien que de notre torse, ou bien rien que de nos mains, et finalement, on est véritablement désincarné. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient de notre enveloppe charnelle. Et là, on est vraiment sur le plan spirituel. La méthode d'approche la plus efficace consiste à synchroniser notre respiration avec la direction de notre pensée vers notre point de contact avec la Terre. Le méditant respire synchroniquement, lentement, autant que possible, et par les deux narines. On vous a déjà enseigné la méthode de respirer par les deux narines, en vous débouchant de par les foramines des oreilles, hein, en soufflant dans les deux narines, en se faisant respirant la langue au palais, puis en se portant les yeux à l'intérieur de la tête, au point équidistant entre les deux sourcils. Et quand on a atteint cette condition-là, là, on n'est pas conscient de notre corps. On n'est conscient rien que ce que l'on projette, des idées que l'on entretient. Alors, au tout début, vous pensez à vos pieds, à la plante de vos pieds, jusqu'à ce que vous sentiez tellement de vigueur, d'énergie dans vos pieds que j'avais envie même de vous gratter les pieds pour éviter l'irritation que ça vous donne. Et quand vous avez projeté votre attention à vos pieds, là, vous montez le long des mollets, des jarrins, des jambes, du torse, ainsi de suite, jusqu'à ce que tout votre corps devienne immobilisé. Il vibre, mais il est immobile. Il vibre simplement. Vous êtes un champ de vibration, un champ de force. Et ce champ de force, c'est simplement votre psyché, votre énergie psychique qui vibre, alors que votre corps lui permet cette énergie de circuler à travers tout votre organisme. Et finalement, il vient se loger dans la tête. Et ce qui est plus important, ce sont les images mentales que vous entretenez. C'est à ce moment-là que les images mentales ont tellement de vigueur qu'elles sont comparables à celles que vous entretenez en rêve. En rêve, vos images mentales ont un même cachet de réalité que si vous étiez éveillé, n'est-ce pas? Alors, dans cet état d'esprit-là, les images mentales que vous aurez entretenues deviendront tellement vivaces que vous le prendrez pour des réalités. Et ce ne sera pas un tour de force pour, je dirais pas vous tromper, mais vous croire pour un moment, ne serait-ce que pour un moment, en possession de ce que vous aurez visualisé. Ça, c'est la projection. Et quand vous avez atteint cet état d'esprit-là, alors là, vous vraiment vous projetez. Et vous précipitez l'accélération, la réalisation de la chose que vous aurez entretenue. Maintenant, je souhaiterais que vous tous, présentement, fassiez cet exercice-là. Il s'agirait d'abord de bien vous détendre. Ne pas vous assurer sur quoi que ce soit, sauf sur le siège sur lequel vous êtes assis. Tous. Bon. Et à mesure que je vais attirer votre attention sur votre anatomie, faites la même chose que si c'était vous qui pensiez ça. Alors, vos pieds, et dites mes pieds sont la seule chose dont je suis conscient, la plante de mes pieds. Vous sentez la circulation se distribuer aux orteils, aux talons, aux tendons d'Achille, le long des mollets, le long des cuisses, mais avec plus de lenteur que ça, là, je le dirais assez rapidement. Ça peut vous prendre jusqu'à 3 ou 4 minutes pour partir de la plante des pieds à aller jusqu'au sommet de la tête. Mais c'est une ascension, c'est une conscience ascendante que vous faites. Après un certain moment, vous direz, je me sens véritablement engrosser mon corps. Vous direz, là, à l'intérieur de moi, il y a mon corps. Mais ce que je suis véritablement, c'est ce qui entoure mon corps, ce sur quoi j'attire mon attention. Et vous verrez que cette chose-là, sur laquelle vous concentrerez, c'est vraiment quelque chose de psychique, quelque chose de vital. C'est ça qui donne la vie à toutes les parties de votre corps au sujet de laquelle vous portez votre attention. Alors, essayez de le faire présentement. Alors, vous êtes conscient de vos pieds, de la plante de vos pieds. Vous avez les yeux fermés et vous dirigez votre respiration à cet endroit-là. Et après un certain temps, vous sentez, je dirais, un chatouillement presque. Bon. Et si vous concentrez davantage sur ça, ça veut plus qu'un chatouillement, il y en a qui vont peut-être avoir l'intention d'aller se gratter. Bon. Alors, dès que vous avez eu la sensation, là, sur le plan qui vous tient en contact avec la terre, c'est par les pieds qu'on est en contact avec la matière, n'est-ce pas? Alors, vous rompez ce contact avec la terre pour une fraction de seconde. Et cette vie monte en ascension tout le long de vos chevilles. Vous sentez vos chevilles. Vous les sentez vraiment. Ça monte le long des mollets. Sentez cette énergie s'emparer de vos mollets, de vos jarrets, de vos genoux. Identifiez-vous avec ces parties-là de votre corps. Vraiment, il n'y a que ça qui compte pour vous. C'est ça que vous devez vitaliser. Plus les membres inférieurs, les parties des membres inférieurs, les parties inférieures des membres, des jambes, l'abdomen, le bas du dos, le torse, et plus lentement que je vous le dis là. Dans 2 ou 3 minutes, vous serez capable de tellement concentrer votre énergie en ascendance, comme ça, que vous allez dire, oui, c'est possible. C'est pareil comme si je me plongeais lentement dans de l'eau. Je sentirais l'eau de plus en plus froide à mesure que je pénètre de plus en plus profondément. Là, c'est simplement de la circulation qui s'empare de vous. Vous plongez dans l'énergie. Alors, graduellement, laissez cette sensation-là vous envahir complètement et graduellement. Je cherche, vous dites, là, l'énergie s'empare de moi. Totalement. Et quand vous serez rendu à l'abdomen, là, vous allez même sentir le métabolisme de la digestion que je fais. Vous allez sentir un tiraillement dans l'intestin grêle, le gros intestin. Même, ça va accélérer votre digestion sur une arrestation de digestion. Vous allez sentir ça. Et là, il y a un organe au centre de l'épigastre qu'on appelle le plexus solaire. Et là, vous allez sentir une vibration dans le plexus solaire. Ce plexus solaire est comme une éponge. Et dès qu'il est chargé d'énergie, il vibre. Pareil comme une éponge qu'on presse et que l'on dépresse après un certain temps. Alors, le plexus solaire, c'est lui qui convertit l'énergie solaire en énergie humaine. Et là, quand vous avez atteint le plexus solaire, elle va se répartir dans vos poumons, dans la zone cardiaque, dans le trapèze, en arrière de la tête, en arrière du dos pour monter le long de la tête. Et là, vous verrez que votre tête est véritablement dégagée. Vous sentirez votre propre champ magnétique, votre propre aura, et après un certain temps, vous réaliserez que ce que vous êtes réellement, c'est une masse d'énergie en vibration et qui donne le mouvement à un corps qui, normalement, s'il n'était pas de cette énergie, sera tout à fait inerte. Alors, c'est ça que vous devez éveiller. Alors, l'élan vital qui est arrêté ou distribué à l'endroit que vous employez le plus fréquemment. Et s'il est distribué généralement, vous n'en êtes pas conscient, il est trop réparti. Alors, il s'agit de saisir, de capter l'énergie que vous êtes et dire, là, je la sens. Et ce qu'il y a en dedans, c'est simplement ce corps qui est mobilisé, qui est mis en action par cette énergie-là. Alors, là, abandonnez toute pensée, ne pensez à rien d'autre chose qu'à ce gestuel-là d'ascension ascendante, de vibration ascendante. Partir de la plante des pieds, aller jusqu'à la fontanelle, jusqu'au sommet de la tête. Quand vous serez rendu au bout des mains, vous sentirez des courants électriques au bout de vos mains. Vos mains sont des antennes. Alors là, vous sentirez vraiment la circulation, pareil comme si elle voulait jaillir de vos mains. Quand plus tard, vous essaierez à faire quelques phénomènes, quel que ce soit, je ne dirais pas parler de déplacement d'objets, mais peut-être manipuler certaines choses, vous verrez que vos mains sont chargées d'énergie. Et cette énergie part de tout votre organisme qui sera maintenant canalisé par ces antennes que sont vos mains et particulièrement vos doigts. Tous les guérisseurs, ceux qui le font inconsciemment, sans entraînement, ou ceux qui le font après un entraînement, réalisent cette chose-là. Il y en a qui l'ont apprise par des méthodes qui sont enseignées, d'autres l'ont, ça leur a été enseigné par d'autres. Mais ce don de guérison, c'est simplement la faculté de mobiliser, de libérer votre énergie psychique, votre énergie spirituelle, par vos antennes, par vos mains. Parce que vous la puisez dans toute votre énergie. Et la source la plus prolifique d'énergie, ce sont vos pieds, parce que ce sont vos pieds qui vous mettent en contact avec le sol. Alors, les énergies ne sont pas seulement célestes, elles sont aussi terrestres, elles sont tellurées. Alors, quand ces deux énergies-là, l'énergie de votre intention et l'énergie des forces telluriques s'emparent de vous, vous êtes véritablement chargé de l'énergie que vous détenez toujours à votre insu. Et quand vous aurez fait ça, vous direz, là, je peux véritablement contrôler cette énergie qui est latente en moi, qui est en léthargie. Et de plus en plus, ce sera facile pour vous de faire ce geste-là, le contrôle et de cette énergie qui est endormie ou en léthargie en vous. Et vous le ferez à plusieurs fois dans la journée, et afin que, après un certain temps, vous pourrez faire presque instantanément, chaque fois que l'occasion se présentera. Dans des cas d'urgence, on a vu des gens mobiliser des sommes d'énergie incroyables. Des cas d'accident où il fallait une somme d'énergie pour relever un objet qui écrasait un autre, par exemple. On a entendu parler de ça. Hein? Alors cette énergie-là, dès que vous la mobilisez, elle est toute puissante. Parce que vous êtes branché sur l'âme universelle et aussi toute puissante au point de vue de motricité qu'au point de vue de capacité. Alors, cet exercice est silencieux. Je vous ai donné le cheminement. Pensez bien à vos pieds. Soyez conscient que l'énergie monte tout le long de vos membres. Et rendu au plexus solaire, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui chauffe et qui vibre. Ça, c'est la captation d'énergie solaire qui la distribue. Cet exercice-là, vous allez réussir, tous, sans exception, inévitablement, en quelques temps, en très peu de temps. Les uns peuvent le faire peut-être en quelques jours, de réussir complètement. D'autres pourront peut-être prendre un peu plus de temps. Mais tous, vous pouvez le réussir. Tous. Pas comme c'est pas un tour de force de s'endormir, mais il s'agit d'endormir le corps pour que l'énergie qu'il contient soit véritablement éveillée. Dès que votre corps est endormi, est au repos, une énergie spirituelle qui entre en jeu. Vous pouvez voir des choses très réelles, aussi réelles que celles que vous viviez dans l'état d'éveil. Alors, cette énergie-là, quand le corps, l'enveloppe, sera bien détendue, s'empare de vous. Vous direz, là, je suis chargé d'énergie, je suis dynamisé, je suis survolté. Puis le terme n'est pas exagéré, parce que vous direz, je n'ai jamais senti tant d'énergie. Alors, ça viendra de plus en plus facile pour vous d'accomplir ce geste-là. Mobiliser, devenir conscient de cette énergie et la conserver en réserve pour des fins bienfaisantes. Bon, c'est le premier geste à accomplir, ça. Alors, quand vous aurez réussi ça, il y en a, comme je vous répète, qui pourront le faire dans 2 ou 3 tentatives. J'ai vu des gens le faire dès la première tentative, surtout si on les plaçait en dessous d'une pyramide. Vous avez entendu parler de la puissance de la pyramide, n'est-ce pas? Il y a des gens qui s'en fabriquent dans leur propre cours, puis ils se couchent, s'assoient en dessous de la pyramide. Et les phases de pyramide et des phases astrales sont semblables à celles que d'une lentille, par exemple, que l'on exposera au soleil, qui captera les rayons de soleil et pourra mettre le feu à quelque chose qui sera combustible à côté. Alors, cette énergie qui va s'emparer de vous, ce sera la même que celle qui s'empare de vous quand vous êtes en dessous d'une pyramide. Il y en a qui ont des petites pyramides qui mettent sur la table de travail, d'autres sur leur lit. Ça a le même effet aussi. Mais ça, sans pyramide, sans paraphernalia aucun, sans aucun dispositif. Rien qu'en pensant, en dirigeant votre intention et votre énergie et votre circulation à un endroit ascendant, là, vous allez devenir conscient de ce que vous êtes, une énormité d'énergie. Que vous soyez fort ou faible, ça n'a pas d'importance. L'énergie que vous captez est la même. Est la même. C'est toujours la même, l'énergie universelle. Alors, cet exercice-là, suit celui que je vous ai donné pour réveiller les foramines des oreilles. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Vous étiez tous, je pense, qui consiste à vous boucher les deux narines et à souffler de manière à ce que les foramines des oreilles s'ouvrent. Et après un certain temps, respirer la langue au palais et la bouche fermée, ainsi que les yeux fermés, vous dirigez votre regard entre vos deux sourcils, jusqu'à ce que vous sentiez cette énergie vous frapper entre les deux yeux. Vous sentirez votre pulsion cardiaque vous frapper entre les deux yeux. Ça, c'est le deuxième point où l'énergie va se localiser. D'abord, au plexus solaire, en partant par les membres. Ensuite de ça, au centre christique, à la lampe pinéale. Et après ça, tout votre champ magnétique en subira le faire. Et là, vous sentirez vraiment que votre champ magnétique est beaucoup plus gros que votre tête. Et vous le sentirez au point que vous direz, il y a une chaleur qui m'entoure. Vous aurez l'impression qu'on met qu'il y a un éventail chaud qui vient vous entourer. Alors là, vous serez vraiment conscient de votre champ magnétique, de votre corps véritable, qui est engrossé dans une masse de cellules. Alors, c'est le premier résultat à obtenir, ça. Si vous concentrez, si vous en réalisez l'importance, je vous assure que ce n'est pas une fumisterie, il n'y a rien de mystérieux dans ça. Ça a toujours été enseigné. Vous direz, oui, c'est vrai. Alors, il s'agit de maîtriser ces choses-là, puis d'en faire un usage quotidien, régulier. Alors, vous allez non seulement vous dynamiser, vous renforcer sur tous les plans, pas rien que sur le plan physique, et s'il y a des tares, des malaises dans votre système, cette énergie-là, en distribuant, en circulant à travers tout votre système, l'améliorera, réparera tous ces tares. S'il y a des tares assez sérieuses, c'est précisément à l'endroit où il y a une tare, une blessure, ou un malaise. C'est là que vous sentirez l'effet de cette énergie-là. Que ce soit un engouement du foie, une cirrhose du foie, disons par exemple, que vous souffrez de ça. Là, vous sentirez cette énergie-là exactement là où il y a un malaise en vous. Et cette cirrhose du foie se guérira instantanément. Parce que toute cette énergie-là ira à l'endroit le plus faible de votre système. Et il aura son effet bienfaisant. Alors ça, c'est de l'auto-thérapeutique. Alors cette énergie-là, que vous avez rassemblée sur vous-même, vous la concentrez. Et s'il y a lieu de distribuer un point quelconque, quel que soit le malaise que vous subissez, quel qu'il soit, que ce soit un mal de tête, une migraine, que ce soit un mal de dents, je vous laisse pratiquer là. Il y a beaucoup sur les maux de dents. Puis des migraines, c'est très commun. Alors, en faisant ça, puis en dirigeant vers le cortex cérébral, les maux de tête disparaissent instantanément. On l'a prouvé maintes et maintes fois, ça, dans de quelques secondes. Alors, il s'agit de capter l'énergie universelle dont vous êtes potentiellement tous les détenteurs. Vous branchant dessus, tout simplement. Alors, c'est le premier geste qui consiste à capter cette énergie dont on devra devenir de plus en plus conscient. Plus tard, on parlera des qualités de cette énergie universelle. Elle affecte notre physique, elle affecte notre physiologie, notre métabolisme, mais aussi elle peut affecter notre cérébration, notre mode de pensée. puis elle peut nous affecter à tel point que l'on peut penser au-delà de notre capacité mentale. On parle souvent de méditation transcendantale. Alors, on pourra poser la question, transcender quoi? Transcender nos pensées habituelles, qui habituellement sont mélangées avec toutes sortes de problèmes domestiques ou fonctionnels. Alors, là, quand cette énergie-là, à façon bien, dans votre système, elle envahit le cerveau. Et votre cerveau est véritablement rénové parce que vous pensez transcérébralement. On divise le cerveau pour fin d'analyse en plusieurs parties. On dit le cerveau objectif, subjectif et subconscient. Mais en réalité, c'est pareil que vous pouvez diviser les couleurs de lumière. Et ils se fusionnent tous. Alors, le cerveau tout entier, le cerveau transcérébral, transobjectif, se trouve être dynamisé immédiatement. Et vous êtes conscient d'un nouveau mode d'être-té, d'un nouveau mode de conscience. Puis vous êtes même surpris de ne pas avoir pu utiliser cette technique-là auparavant. J'aurais dû connaître ça il y a bien longtemps. Alors, mettez-la en pratique. Dès ce soir, et demain soir, ce sera encore plus facile. Et jusqu'à ce que finalement vous disiez, oui, là j'en suis conscient. Alexandre, ce qui est intéressant dans l'irrigation de cette énergie-là, surtout en direction du cerveau, c'est qu'elle a, à mon avis, d'après ce que j'ai expérimenté, la faculté d'irriguer les synapses, donc les conduits entre les neurones. Oui, justement. Oui. Donc, les dendrites, les neurones, les dendrites, les deux travaillent de pair, n'est-ce pas? D'ouvrir les circuits à l'information qui justement. Est en potentiel dans notre cerveau, donc atteindre un autre degré d'intelligence. Exactement. On nous dit qu'on emploie une fraction bien infime de notre cerveau. Ce n'est pas exagéré, quoiqu'on ne peut pas déterminer exactement quel pourcentage de notre cerveau que l'on emploie. Mais ces deux éléments importants, les dendrites et les neurones, doivent être vitalisés. C'est ni plus ni moins les forces ANA et KATA, le positif et négatif, qui sont mises à jouer. Parce qu'il y a véritablement deux glandes, il y a la pinéale, qui est le cerveau objectif, et la pituitaire, qui est la fontanelle. Alors les deux sont mélangés, ça c'est le mariage spirituel. Quand les deux fonctionnent, c'est pas comme deux fils de potentialité contraire. Alors il y a un positif, l'autre un négatif. Là, il se fait véritablement un courant. Alors c'est ça, c'est l'effet. L'effet est immédiatement dans le cerveau, avec tout ce qui représente de répercussions dans le système. Parce que moi, j'appelle ça un ramonage des synapses. Oui, oui, un ramonage, c'est bien dit. Décarboniser. Le rêve à cette fonction-là, la nuit, c'est de ramener les synapses, justement, qui ne sont pas utilisées dans la journée avant qu'ils ne s'atrophient. Or, ce genre d'exercice-là est très précieux, justement, pour atteindre d'autres facultés mentales. Oui. Alors, c'est de cogiter, de penser à plein rendement, en servant des deux glandes principales, la glande mâle et femelle ou la glande positive, active et passive, afin qu'ils fonctionnent simultanément. Parce que toutes les forces dans le monde, il faut qu'ils aient deux pôles, positif et négatif. Alors, ces deux glandes supérieures, les glandes comme les glandes suprarénales, on pourrait faire de fonctionner, de nous faire vibrer avec plus d'énergie. Et c'est véritablement, je dirais pas un nettoyage du cerveau, mais un ramonage. Ramonage de synapses, c'est exactement ça. Alors là, vous pensez avec plus de vigueur, avec plus de lucidité, et quand je dis avec plus de vigueur, c'est ça qui est important dans le processus de visualisation. Quand vous pensez à une chose, vous la voyez. J'ai connu certains artistes qui étaient tellement habitués avec ce mode de projection, là, c'est une projection, qu'avant de dessiner quelque chose sur la toile, il le visualisait. Et quand il l'avait bien visualisé, il se dépêchait pour le dessiner, ce qu'il voyait sur la toile avant qu'il disparaisse. Ah, j'ai vu un artiste qui faisait ça, dessiner un cercle parfait. Attends, je le vois. Puis finalement, il faisait. Puis il aurait pris un compas, il n'aurait pas pu faire mieux. Bon. Alors, c'est une méthode de visualisation, de projection. Alors, c'est ce qu'on appelle le premier stage de visualisation. Et quand vous avez maîtrisé votre cogitation, votre pensée, votre action de pensée à ce point-là, vous êtes maître de votre destin. Parce que vous pouvez réaliser dans votre vie toutes les conditions qui sont désirables. À vous et à chacun de vous de visualiser, de imager des conditions qui sont en accord avec ce qui est d'optimum dans votre vie. Alors, c'est la loi de visualisation qui est la première loi que l'on enseigne, la loi de projection, dans tout enseignement psychologique ou l'enseignement mystique. Pensez avec vigueur. Et vouloir avec énergie que l'on a mobilisé en la concentrant. Conséquemment, il est bien de dépasser la portée de l'émotion et du désir, spécialement dans leurs aspects inférieurs, et de pénétrer les plans supérieurs de l'intellect et de l'âme. Car c'est ici que se situe le plus clairement la relation entre les pensées et les choses, entre les idées et leurs expressions physiques. entre les motifs et leurs manifestations extérieures en termes des circonstances qu'elles génèrent. La considération primordiale est de connaître et comprendre comment l'esprit opère et ce qui prend place sur le plan physique. Notre pensée. Par exemple, considérant une analogie chimique. En évaporant du carbone pur et en comprimant le gaz obtenu, il est possible de produire un diamant. Le gaz et le diamant sont composés de la même substance cosmique, racine, électrons, neutrons, protons. Nous venons de démontrer que la matière et l'électricité ont la même composition fondamentale et en outre que la pensée est une forme d'électricité. Par voie de conséquence, la matière et la pensée sont constituées des mêmes éléments. Deux quantités, chacune égale à une troisième quantité, sont égales l'une à l'autre. En considérant la pensée comme un gaz et la matière comme un cristal, nous avons défini exactement la relation entre les deux, c'est-à-dire qu'il est possible que des analogies chimiques soient utilisées pour des fins de comparaison. La concentration de pensée au sein d'un espace confiné ou limité augmente le nombre d'unités atomiques par unité spatiale. La pression ainsi produite résulte en précipitation, selon la loi newtonienne d'action et réaction. La concentration étant l'action ou la cause, et la précipitation étant la réaction ou l'effet. C'est précisément le terme que l'on emploie pour la première loi que l'on décrit, que l'on enseigne dans l'enseignement théocratique, la loi de précipitation, qui consiste à accélérer la vie dans notre cheminement, de notre contact avec la matière. Alors, l'illustration que nous donnent les physiciens, les chimistes, et particulièrement celle que Einstein nous a donnée, que l'énergie peut être convertie en matière, la nature le fait, et la matière peut être convertie en énergie. C'est sa formule, énergie égale MC. Hein, bon. Alors, toute matière a deux pôles. Un pôle invisible, qui est simplement vibration, et un pôle visible, qui est une vibration ralentie à notre mode de perception. Nous sommes des êtres vibratoires, en vibration, au même niveau que toute la matière qui nous entoure. Mais dès que l'on change de plan, que l'on vit sur le plan spirituel et l'on vibre spirituellement en spirale, là la matière subit l'effet de notre accélération de mode vibratoire. Et la matière se convertit en énergie et ultimement en une réalisation de la chose que l'on a visualisée. Ce qui différencie tous les plans d'être-té, c'est la fréquence mutationnelle, justement. Exactement. La mutation, on pourrait comparer ça à la giration ou l'oscillation que ferait une toupie qui normalement girerait presque immobile, hein. Mais si on lui fait subir une force quelconque, elle va commencer à osciller. Ça, c'est le moment mutationnel. Bon. Et elle va même faire un effort pour reprendre sa verticalité. Alors, le mouvement mutationnel, c'est exactement ça. Et tous les modes de matière diffèrent à cause de ce mouvement mutationnel qui est produit par l'orbicité qui est dérangée. La Terre subit exactement une mutation, justement. Et elle cherche à se rétablir, ce qui fait la déclivité de l'année solaire avec l'année astrologique, disons, c'est que la Terre fait actuellement une mutation, hein, à la signe, de droite à gauche. Elle perd donc 5 degrés et quart par année. Alors, normalement, elle devrait en avoir la même giration, la même orbite qu'elle avait autrefois. Alors, la Terre essaye à se rétablir, hein. Alors, les orbites des atomes, l'infiniment petit, sont la même chose que les orbites célestes qui nous entourent. Alors, ce mouvement de mutation, d'ascension en ligne droite ou d'ascension en ligne oscillante, c'est la même chose. Les mêmes lois s'opposent se réalisent en matière, hein, aussi bien que dans l'infiniment grand. Lorsqu'on aura une parfaite maîtrise des quatre premiers plans auxquels on peut avoir accès, à ce moment-là, ça veut dire que c'est la fin de la maladie. Ah non, il y a même la fin de la mort. C'est une arrestation d'un mouvement vibratoire ou un ralentissement d'un mouvement vibratoire dans l'organisme. On parle beaucoup du cancer, on l'annonce tellement que tout le monde en a, ou s'ils n'ont pas, ils s'imaginent que tôt ou tard, ils l'auront. Hein. On dit que c'est un état d'anarchie cellulaire. Par anarchie, on veut dire un groupe de cellules qui refuse de se comporter comme les autres, qui veulent pas vibrer au même degré que les autres. Alors, si leur degré vibratoire ralentit, il y a donc un malaise quelconque. Alors, on nous l'a prouvé maintes et maintes fois, que si vous accélérez le mode vibratoire de cette partie de votre organisme qui vibre plus lentement qu'il devrait vibrer, alors le malaise cesse et le cancer disparaît, pareil comme l'eau chaude, l'Atlas disparaîtrait dans l'eau chaude. On en a vu un très grand nombre de cas. Oui. On dit que le cancer disparaît tout comme de la glace dans l'eau chaude. Dès que vous avez accéléré le mode vibratoire de votre entité cellulaire, ça disparaît. C'est un cas de malaise, pas une maladie. En somme, qu'est-ce qu'une maladie? C'est un malaise qui est chronique. Hein? Alors, le cancer n'a pas d'existence en soi. Je pourrais, par exemple, citer une constatation qu'on a faite il y a très longtemps, un groupe de médecins, qu'on a constaté que une verrue, un tissu d'une verrue, une gale sur un bobo quelconque, et un cancer mis dans des morceaux de verre, dans, au microscope, ils sont identiques tous les trois. Une verrue, c'est un cancer extériorisé. Une gale, c'est un cancer qui a été placé afin d'éviter l'invasion de microbes environnants. Mais ces trois choses-là, qui sont vivantes, sont de la matière vivante, ont la même nature, le cancer, la verrue ou la gale. Bon. Alors, vous allez prendre un cas cancéreux, même localisé, généralisé, j'en ai jamais rencontré, mais des cas localisés. Alors, dès que vous accélérez le mouvement vibratoire, dans certains cas, ça se fait assez rapidement. Dans des cas de guérison soi-disant miraculeuse, on a vu des cas de cancer guéris immédiatement, après un sursaut d'énergie. Une personne subir un choc, que je pourrais comparer à un choc électrique, c'est de l'énergie humaine, être guérie instantanément d'un cancer. Ça, c'est son effet. C'est arrivé à Auré, c'est arrivé à Beaupré, c'est arrivé à bien des endroits, en Inde, en très grand nombre. Ouais. Alors, ce processus d'accélérer le mouvement vibratoire devant l'entité cellulaire est très important. Et en pratiquant cet exercice, qui consiste à devenir conscient de votre énergie, en la localisant à différents endroits dans votre organisme, alors, vous devenez un point où vous êtes capable de localiser n'importe où. Et s'il y a un endroit de votre anatomie qui est en malaise, vous le dirigez là, à cet endroit-là, pour le guérir, cet endroit-là. Je faisais appel à des cas de cirrhose du foie. C'est ça que j'ai vu le plus souvent. Cirrhose du foie, c'est un engorgement du foie. Un foie paresseux, comme on dit souvent. Hein? Alors, un efflux, une infusion d'énergie solaire, d'énergie du plexus solaire, d'énergie vitale comme ça, dans cette partie de votre anatomie, la guérison est presque immédiate. Et vous sentez cet afflux d'énergie, une chaleur qui s'empare de cet endroit, subitement. Et ça dure tant que le malaise n'est pas disparu. Hein? Parce que cette énergie-là, c'est de la chaleur. La vie, c'est de la chaleur. C'est du feu. Hein? Alors, cet exercice-là va vous sembler insignifiant. Mais je vous recommande tous d'en faire, même un devoir défaut que non seulement je le pratique, mais je le maîtrise, pour que je suis vraiment conscient que cette énergie-là, je peux la localiser, je peux la mobiliser, et je peux la distribuer partout où je veux. Et viendra un moment que vous serez tellement conscient de cette force-là, que vous voudrez vous en servir pour être bienfaisant envers d'autres qui ne sont pas conscients de cette énergie-là. Les guérisseurs le font. Ils savent qu'ils sont possesseurs, détenteurs de cette énergie-là. Et c'est ça qu'ils font. C'est pas juste un simulacre de sympathie qu'ils font. Ils émettent de l'énergie. Et cette énergie-là, ils ont dû d'abord la mobiliser. Les uns l'ont fait instinctivement, d'autres l'ont fait par étude, en étudiant. Mais le guérisseur émet son énergie, dont il est vraiment conscient, pour opérer des guérisons. C'est le privilège de tout le monde. Tout le monde peut être guérisseur, pour peu qu'ils aient suffisamment d'énergie pour pouvoir leurs propres besoins. Et dès qu'ils s'entendent, vous, j'en ai de l'énergie, c'est mon devoir. Hein? Il y a un bonhomme qui a écrit dernièrement trois livres sur la guérison. Un nommé Georges Roux, j'en ai déjà parlé, puis je l'ai recommandé à tout le monde. Le journal d'un guérisseur, parole d'un guérisseur, du guérisseur, et le dernier, c'est Mission divine. Alors, cet homme-là s'est promené à travers toute l'Europe, jusqu'il y a quelque temps, en opérant des guérisons miraculeuses, comme ça, pareil comme bien d'autres ont fait dans le passé. Alors, il a maîtrisé cette force, qu'il avait appris dans les alentours de Marseille, des mystiques de Marseille, et pendant 7-8 ans, il s'est promené comme ça à faire des miracles, puis passer à travers le monde en faisant le bien. Tout simplement en mobilisant, en exerçant, en libérant cette énergie dont il se savait le détenteur plus que tous les autres. Ouais. Alors cet exercice, c'est le premier que je vous recommande, et je tirerai aussi votre attention sur l'autre que j'ai décrit il y a quelque temps, 2 ou 3 reprises, de devenir conscient de cette glande pinéale en vous libérant les foramines des oreilles. Vous vous souvenez de l'exercice que j'ai recommandé? Soufflez plusieurs reprises en vous mettant le pouce et l'index sur les narines et soufflez de manière à ce que les tambours de vos oreilles se dilatent à plusieurs reprises. Et après ça, vous faites ça le soir, avant de vous endormir, quand vous êtes bien détendu. Et immédiatement après ça, respirez en vous fermant la bouche et plaçant la langue au palais. Et là, les yeux fermés, dirigez votre regard intérieurement vers le centre christique, vers la glande pinéale, jusqu'à ce que vous sentiez votre cœur battre ici, entre vos deux yeux. Et en même temps, vous sentirez votre champ magnétique, votre aura, se dilater. Se dilater. Parce que l'énergie montera là. Et de là, se distribuera entre votre système. Donc, ces deux exercices-là, dont le premier est d'éveiller les deux glandes principales, la pinéale et la pituitaire. La pinéale, je l'appelle l'œil christique, le centre christique, véritablement. Et celui-là correspond avec les zones inférieures. Mais les deux doivent travailler simultanément. Alors, vous avez ces deux exercices-là, vous faites régulièrement, dans très peu de temps, vous direz, il se passe quelque chose en moi. C'est vraiment une régénération. Oui, une régénération, le temps, parce que ça génère l'énergie. L'énergie qui est à l'état de l'éthergie, qui est l'état en vous. Et chacun dira, ça c'est vivre à plein rendement. Plusieurs employés cette expression-là. Une personne me l'a dit directement, ça c'est vivre, mon oncle. Ça c'est vivre, hein, qui se sent amorphe, ouais. Alors, tout simplement, j'ai dit, c'est une chose que j'ai constaté, mais personne ne me l'avait jamais dit avec autant d'enthousiasme. Oui, ça, c'est vivre pleinement. Alors, ça, c'est la constatation à laquelle vous viendrez inévitablement. Dire, là, je sais d'où vient l'énergie. Elle vient en dedans de moi, elle existe déjà. Je n'ai qu'à la libérer, en devenir conscient, et l'exercer, et l'employer. Alors, je vous répète que ce n'est pas des choses farfelues. Il n'y a rien de mystérieux dans ça. C'est ancien, c'est vieux comme le monde. Tous les thaumaturges des temps passés, tous les initiés qui ont été bienfaisants dans leur parcours à travers le monde connaissaient ces secrets-là. Ils sont très, très vieux. Les renseignements les plus probants que l'on a, c'est ceux qui viennent de la lignée judéo-chrétienne à partir de Samuel, 1800 avant Jésus-Christ, chez les Esséniens. Les Esséniens, le mot veut dire les assaillants ou les guérisseurs auxquels Jésus appartenait. Parce que dans les années de 12 à 30 ans, il a passé son temps à se documenter, puis à se renseigner, et à subir son initiation dans ces centres-là. Et le centre le plus important, c'était le centre des Esséniens, qui était le centre des guérisseurs, des assaillants, des guérisseurs. Alors, toutes ces forces-là, qui avaient développé, et qui a mis en pratique dans sa vie publique de 3 ans, ça venait de ce centre-là. Ça part de la ligne judéo-chrétienne, que je vous dis, de Samuel, 1300 ans avant Jésus-Christ. Bon. Alors, ce n'est pas des découvertes tout récentes, c'est des découvertes qui ont été oubliées, puis maintenues dans le silence pendant un certain temps, mais il est temps de réveiller, puis il y en a qui le font à travers le monde entier, un très grand nombre. L'humanité, à cause d'un dédain inhérent à tout effort mental, a trouvé un débouché très réel de ce fait dans la forme de conversation oisive, bavardage. Les gens sont très aptes à répéter un scandale, à construire un motif ou à condamner une action, simplement parce qu'il est plus facile, en vertu de notre héritage ancestral, d'exprimer une négation que d'affirmer une pensée positive. Votre progrès avec cette étude dépendra considérablement du degré auquel vous refuserez de céder à des suggestions négatives. Nous devons admettre que la concentration mentale par l'usage d'affirmations positives est beaucoup plus pénible que le labeur physique le plus ardu. Seules les âmes fortes peuvent demeurer silencieuses à l'occasion. Toutes les autres doivent verbaliser leurs pensées. Vous connaissez sans doute bien des personnes qui parlent toujours de ce qu'elles vont faire, mais ne réalisent jamais rien. De tels individus ne sont pas toujours à blâmer dans le sens qu'ils peuvent être paresseux. Ils ne comprennent tout simplement pas que le simple fait de parler de leurs plans dissipe l'énergie requise pour les exécuter. De là se justifie notre avertissement impérieux de ne pas vous laisser aller à cette erreur très commune. Il est tout à fait légitime de partager votre prospérité avec vos amis et ceux que vous aimez, mais gardez vos plans pour vous-même, au moins jusqu'à ce qu'ils soient matérialisés. Justement, ce qui fait la valeur d'une force quelconque, c'est qu'elle a été concentrée. on a par exemple l'exemple du gaz qui est mis dans un ballon quelconque, que ce soit un ballon joie ou bien un ballon de déploiement. Alors, c'est le gaz qui est concentré qui fait la force, qui fait la lévitation de cette chose-là. Alors, tous les plans que l'on fait, pour soi-même, aussi bien que pour les autres, on doit y penser, les entretenir, mais ne pas en parler, parce qu'on dissipe l'énergie qui fera se réaliser. Alors, tout bienfait, toute bienfaisance que vous souhaitez, pour autrui ou pour vous-même, cultivez-la dans le silence, et elle se réalisera ouvertement par la suite, parce qu'elle explosera, ni plus ni moins. Alors, l'énergie doit être concentrée, hautement concentrée, afin qu'elle puisse se réaliser et se manifester dans la vie de chacun. Je répète encore la formule, c'est désir, plus fixité d'attention, plus concentration, plus suggestion, égale réalisation. Cette formule-là est aussi réelle, aussi scientifique que de dire H2O, deux molécules d'hydrogène plus d'oxygène ferait de l'eau à boire. Elle est aussi scientifique. Alors, puis le maître nous disait, quoi que ce soit que vous désiriez, que vous souhaitiez, quand vous concentrez ou quand vous priez, croyez pour un moment que vous le recevez, visualisez-le au point de vous croire en possession de la chose, et là, ben, ça viendra tout seul. Ça, c'est infaillible. Ce sont les deux mêmes formules. Alors qu'il s'agisse de quoi que ce soit, améliorer votre situation, améliorer votre environnement, améliorer vos relations sociales, individuellement ou collectivement, c'est la même chose. Visualiser des situations et des conditions désirables, bienfaisantes, pour autrui aussi bien que pour vous-même. Ça peut causer des conditions qui étaient désespérées dans le passé. Et ça arrive infailliblement. Ça, c'est la loi de la visualisation, la loi de la projection et la loi de la concentration. La concentration, brièvement définie, est un foyer moléculaire de vibration mentale. Sans doute avez-vous déjà eu l'occasion d'utiliser une lentille convexe ordinaire, appelée loupe. En ajustant la distance entre la lentille de verre et une pièce de papier ou de bois, il est possible de mettre le feu à cette dernière. Cette combustion résulte du groupement des rayons lumineux avec une élévation correspondante des vibrations moléculaires à ce point particulier. Lorsque la vibration s'élève au-delà du niveau de résistance du papier ou du bois, il se consume. La même analogie s'applique à la concentration mentale. En appliquant suffisamment d'énergie mentale sur le problème en question, vous pouvez le dissoudre, c'est-à-dire faire votre chemin à travers toutes les difficultés vers une solution permanente. Mais vous devez vous concentrer sur la solution et non pas sur les difficultés. Bien que ce type de concentration soit équitable, un mauvais usage pourrait amener un effet contraire. Par exemple, focaliser les rayons du soleil sur la main produirait une brûlure pénible. Quand les rayons bienfaisants du soleil peuvent produire un tel tort en conséquence d'une implication mal dirigée, ainsi en est-il de l'énergie mentale bienfaisante qui peut devenir assez intense pour produire une source potentielle de danger lorsqu'appliquée négativement sur les sujets en occurrence. À ce propos, souvenez-vous toujours de ce qui suit. Toute force suffisamment puissante peut aussi bien créer que détruire. Gardez cette phrase toujours présente à l'esprit. Soyez toujours conscient que rien ne peut vous faire du tort que l'intérieur de votre propre conscience. Si vous n'entretenez aucune ambition qui serait détrimentaire à un être humain quelconque, vous n'avez absolument rien à craindre. Ces exercices sont inoffensifs lorsqu'ils sont employés correctement. Ça va du retour, du choc en retour, comme on dit, le choc peut être bienfaisant ou peut être malfaisant, ce qu'on appellerait un boomerang, parce que son intention était de nuire ou de se prévaloir de quelque chose au détriment d'un autre. Alors, cette loi de précipitation, cette loi de visualisation est toujours basée sur la loi d'harmonie universelle, la loi de bienfaisance. Et elle est tellement efficace que pour peu que vous en fassiez trois ou quatre démonstrations, vous direz, mais c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux, parce que l'esprit agence la matière, et la matière, c'est l'esprit ralenti, l'esprit qui ne vibre pas suffisamment vite pour être opératoire dans votre vie. Alors, l'esprit agence véritablement la matière. Et cet exercice, que je souligne de nouveau, a pour effet de vous rendre conscient que cet esprit que vous allez diriger dans tout votre corps afin d'y mobiliser toute l'énergie qu'il contient et que vous en soyez pleinement conscient, vous dira, je suis détenteur d'une force d'énergie que je peux commander à volonté. Alors, dès que vous aurez réussi un premier, je dirais pas un tour de force, mais un premier effet comme ça, un premier résultat, vous direz, oui, ça opère. Des fois, ça peut opérer à votre insu. Je dirais, c'est étonnant, je pensais à ça hier, ou au même moment donné, tu as oublié que tu y pensais seulement. Puis tu te croyais véritablement en possession de ce que tu visualisais. Alors ça, c'était la cause, le fait, qui a fait que se déclencher toutes les ramifications qui ont produit la réalisation. On va prendre la caméra, on le place devant un paysage quelconque, devant une personne quelconque, puis on le tient, on le met bien au foyer, puis on attend un certain temps. Rien ne se produira si on n'ouvre pas la lentille, n'est-ce pas? L'obturateur. Là, si on ouvre l'obturateur, un rayon de soleil va passer, puis va imprégner l'image devant la lentille sur le pellicule qui est en arrière du caméra. Semblablement, si vous ne vous croyez pas en possession de la chose que vous désirez, ça ne se réalisera pas. Ça, c'est la condition essentielle. Croyez-vous, pour un moment, en possession de la chose, et elle se réalisera. Ça, c'est le mot foi, avoir foi. Bon, avoir foi, c'est se croire en possession de la chose. Hein? Et dès que vous avez réussi une fois, vous vous sentirez tellement puissant que vous direz, oh, il n'y a rien là, on n'a rien qu'à agir selon les recommandations que tous les thaumaturges du passé nous ont données. Ayez foi, et la chose se produira. Ouais. La concentration par formule verbale représente le premier et le plus simple pas dans tout avancement ésotérique. Son but est que vous donniez votre entière attention à une affirmation qui exprimera ce que vous cherchez à accomplir. Nous suggérons l'affirmation suivante qui devrait être employée avec votre étude de l'économie karmique. Écoutez-la bien. Dieu est la source inépuisable de mon abondance. En atteignant ma récompense légitime, je suis confiant, autonome, autodéterminé, dynamique, efficace et de plus en plus compétent. Cette formule ne vous procurera aucun bienfait, à moins naturellement d'y croire. L'idée est de faire de cette déclaration une partie tellement intégrante de votre pensée inconsciente que vous agirez toujours en conformité avec ces directives sans que vous ayez à y penser consciemment. On a beaucoup parlé d'autosuggestion à la suite du docteur Émile Coué et sa suite. On a tellement parlé qu'on a vulgarisé le sujet au point que personne n'y croit maintenant. Mais une affirmation signifie, moi, se convaincre et détruire tout vestige de doute qui puisse exister dans notre imagination faussée de la réalité de ce que l'on entreprend. Alors, dès que l'on pense, on met en branle un mouvement vibratoire qui doit forcément avoir une répercussion sur la matière environnante, et que la matière soit quelque chose en mouvement, tel que des gens qui se déplacent à votre intention, ou que ce soit quelque chose apparemment inerte, l'effet est le même. L'esprit agence et mobilise la matière. Tout ce qui a été créé par l'homme n'est que le résultat de la manipulation de la matière par l'esprit de l'homme. Il s'est servi de ses mains ou des mains d'autrui. Mais ça a commencé par une conception spirituelle. Alors, concevoir, c'est donner naissance à quelque chose ou à quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, concevoir un plan social, un plan individuel, un plan collectif, il s'agit de bien le visualiser, le voir, l'imager. Bon. Dieu, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. On a le résultat, on a la formule de l'imagination créatrice ici. Dieu a imagé l'homme, il l'a créé à son image. Et l'homme n'est plus moins qu'une image de Dieu. Une image de Dieu, mais une image vivante. Alors les images que nous ferons en employant ces forces latentes en nous deviendront des réalités concrètes dans notre vie. Parce que la magie, comme disait Mgr Chatner, je regrette, c'est pas moi qui l'ai réinventé, j'aurais été tellement fier. C'est quand l'homme agit. Mgr Chatner, vous entendez parler, ce bonhomme-là? Il est merveilleux. Oui, la magie, c'est quand l'homme agit. L'homme, c'est un principe animateur qui met l'animation dans tout. Je sais pas ce qu'il a plus lui-même, mais il était bonne, cette chose-là. Je l'ai bien aimé. La magie, c'est quand l'homme agit. Et ses méthodes d'action sont véritablement magiques. Ouais. Alors, je vous recommande fortement de mettre ça en pratique. Et vous en voir les résultats en très peu de temps, vous direz. Il y avait raison de bonhomme, il y avait raison. Mais ça, je n'ai pas dû, c'est pas moi qui ai inventé cette chose-là. Ça a toujours existé. Ouais. Alors, je répète la formule. Dieu est la source inépuisable de mon abondance. En atteignant ma récompense légitime, je suis confiant, autonome, autodéterminé, dynamique, efficace et de plus en plus compétent. Pour ajouter encore plus de puissance à l'affirmation précitée, continuez avec cette pensée. Je me dirige entièrement vers ce but. Toutes ces affirmations ont deux éléments fondamentaux, la direction de la demande et la réponse. Vous ne devez pas seulement vous diriger à agencer la réponse, mais vous devez actuellement insister afin de recevoir exclusivement que la réponse que vous avez appelée. Par conséquent, vous pouvez réitérer votre choix avec une déclaration telle que la suivante. J'insiste afin de recevoir dans ma vie que ce qui est bien est bon pour moi. Le meilleur temps pour employer cette formule est juste avant de vous coucher. Plus tard, quand vous deviendrez plus efficace dans votre concentration, vous devrez pratiquer ces exercices à toutes les heures durant la journée. Souvenez-vous, la concentration précipite ce sur quoi elle est focalisée. Si vous possédez une dactylo, faites en sorte que les mots soient en lettres majuscules et placez l'affirmation sur une table devant vous, mais si vous n'en possédez pas, écrivez les mots à la main. Ceci vous aidera à visualiser la pensée. Pour la première semaine, lisez la formule mot à mot, telle que vous l'avez écrite. Après l'avoir répétée 5 fois le soir, asseyez-vous devant votre pupitre et voyez combien de fois vous pouvez l'écrire avant que vous ne soyez distrait. Dès le moment où votre esprit vagabonde, cessez. Vous aurez alors atteint la limite de votre concentration. La pratique persévérante en augmentera le nombre et de même la durée de votre concentration. Chaque seconde additionnelle ajoutera plus de puissance au flot moléculaire mental, suivant le fait fondamental que l'énergie suit la pensée. Après la première semaine, ou au moment qu'il vous semblera approprié, fermez les yeux et visualisez l'affirmation. Chaque mot apparaissant à mesure que vous le formulez dans votre esprit. Voyez chaque mot, l'un après l'autre, luire dans une lumière dorée sur un fond violet. Faites ceci régulièrement, augmentant chaque soir le nombre de mots que vous pourrez visualiser simultanément. L'importance de cet exercice n'est pas basée seulement sur la visualisation de ce sur quoi vous vous concentrez, mais sur l'absorption de l'essence, de la signification derrière la pensée. Soulignez chaque mot de l'affirmation et pensez profondément à sa signification spirituelle. Sachez ce que signifie chaque expression. N'oubliez jamais que la visualisation est la clé de la précipitation. Il se peut que cela vous nécessite quelque temps pour acquérir cette nouvelle aptitude, mais quand vous l'aurez obtenue, vous aurez gagné quelque chose au-delà de tout prix. Comme pour toute autre étude, la pratique conduit à la perfection. Il y a quelque temps, j'ai mentionné un exercice que l'on faisait autrefois à Ottawa quand on avait un laboratoire de psychologie, qui consistait à visualiser et à photographier mentalement des symboles quelconques sur du papier blanc glacé, de préférence glacé, parce que le papier glacé réfléchit la lumière. On dessinait des symboles quelconques, tels qu'un swastika, une croix gammée, ou bien un cercle avec une croix au centre, avec de l'encre de Chine, de l'encre noire, qui est forcément opaque. Et ce papier, carton, inondé de lumière, on y concentrait notre regard jusqu'à ce que nos yeux deviennent éblouis. Et après un certain temps, on se ferma les yeux, et le phénomène qui se reproduisait, c'est une révolution du blanc au noir et vice-versa. On pouvait le projeter sur le mur, ou bien dans notre propre champ visuel, et plus tard, on pouvait la projeter sur une plaque photographique, ce fantasme qu'on en avait créé. Il y en a qui peuvent voir ça. Autrefois, on joue avec des objets comme ça, hein? Des images blanches et noires, comme des négatifs. Quand on les regardait, on les projetait sur le mur, ils devenaient des positifs. Hein? Tu as déjà vu ça, ces choses-là? Oh oui. Alors, si vous ne l'avez pas vu, faites-le. Alors, il s'agit d'imprimer sur du blanc glacé des symboles noirs, les regarder sans cligner des yeux, clignoter des yeux pendant un certain temps. Ensuite, vous fermez les yeux. Là, c'est pas un phénomène. Par exemple, le phénomène de la reproduction d'un film blanc et noir pour l'avoir noir et blanc. Et là, quand vous avez fait ce phénomène-là, vous avez véritablement créé quelque chose. Créé quelque chose. Que vous pourrez, avec ce phosphène-là, impressionner un film photographique, un pellicule photographique, qui est de la matière, n'est-ce pas, qui contient du nitrate d'argent, une matière colloïdale. Alors, rien qu'en projetant cette image que vous avez dans le cerveau sur un film, vous allez l'impressionner. Après ça, vous prendrez le film, vous pourrez en imprimer d'autres. Vous avez donc agencé de la matière, rien qu'en une image mentale, ou du moins une image psychique, une image visuelle. Bon, alors si c'est possible sur ce plan débicola, c'est possible sur tous les autres plans aussi. On faisait cet exercice-là, cette démonstration-là, pour prouver que l'esprit agence la matière. Hein? Maintenant, en passant par toutes les ramifications de ce cheminement-là, on peut dire, ben, j'ai quelque chose de complet, de concret, dans ma tête, il n'y a juste qu'à le réaliser, et ça se réalisera. Pour les mêmes lois, ça a lieu dans l'infiniment petit, ça a lieu dans l'infiniment grand, dans l'insignifiant aussi bien que dans le très, très important. Hein? Alors, ça se voit de projection. Et là, on appelle ça, nous autres, de psychographie. C'est à écrire avec l'esprit, ni plus moi, ou avec le psyché, l'énergie psychique. Donc, il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'esprit et la matière. Il y a des gradations, mais pas de démarcation. Alors, c'est à ça que ça mène, cet exercice-là, de devenir conscient de l'énergie que l'on détient et comment l'utiliser pour des fins en visualisant des conditions désirables dans notre vie et dans la vie de tous les autres. Bien, merci beaucoup, Alexandre Lachance. Ça fait plaisir, je m'exprime à bon temps rompu parfois. Je pense que j'ai tous saisi l'idée. Merci beaucoup. Alors, on fait une petite pause de 20-25 minutes et on revient avec la suite donc de cet exercice. Ne tentez pas d'accélérer le développement de cette séquence. En premier lieu, cela ne saurait se faire. En second lieu, toute tentative dans cette direction pourrait produire une réaction adverse. Tout comme un entraîneur ne permet jamais à un athlète de poursuivre ses exercices au-delà de la limite de son endurance, aussi conseillons-nous la discrétion au sujet de l'entraînement mental. Soyez tolérant, soyez raisonnable, soyez tempéré. Ne vous concentrez pas au-delà du point où vous commencez à vous sentir fatigué. Dès que vos pensées s'éloignent de la formule, vous avez atteint la limite de votre endurance. Cessez. Mettez votre travail de côté pour la soirée et reposez-vous. Quand vous serez capable de graver cette pensée de votre perfection croissante dans les éthers avec des flammes de lumière dorée, vous aurez accompli la précipitation à un certain degré. Consistance, persistance, insistance. Voici les clés de votre fabuleux futur. Gardez-les toujours présents à l'esprit. Eh bien, je répète ces trois termes importants, consistance, persistance et insistance. Insister à réussir, c'est votre privilège et c'est votre destin ultime de vous développer à plein rendement afin de donner le maximum d'efficacité dans tout ce à quoi vous vous vouerez. Ouais. Alors, on va continuer. Alors, c'est une deuxième partie là, de cet exercice de concentration. Dans la leçon précédente, la concentration fut définie comme un processus par lequel la pensée électronique pouvait être focalisée sur un problème donné et menant à une solution permanente. L'illustration de la loupe a adéquatement décrit le principe impliqué. Conséquemment, quand vous concentrez les rayons du soleil avec votre pensée électronique en circulation, la loupe avec votre esprit et le point focal avec votre problème, vous pouvez facilement voir que l'effet sur le point focal, votre problème, dépend directement de l'ajustement de la lentille, votre esprit. Pour cette raison, le second pas, en apprenant comment coordonner, est de savoir comment ajuster ou régler l'esprit. Cet ajustement peut se faire l'une ou de l'autre des manières suivantes. Soit que les sens physiques peuvent être pacifiés afin d'éclipser le monde physique avec toutes ses nombreuses distractions, ou les sens physiques peuvent être si intensifiés au point de stimuler les plus hautes perceptions astrales ou mentales. La première procédure opère sur le principe qu'en pacifiant un sens, on en aiguise un autre. C'est la méthode fréquemment suivie par les mystiques orientaux qui considèrent la perte de la sensitivité physique comme non seulement inévitable, mais hautement désirable. En Occident, le développement spirituel tel que défini en termes de la conquête de l'homme des plans intérieurs est de plus grande importance que la perfection physique telle que réfléchie dans un beau corps et un environnement idéal. La différence fondamentale d'emphase entre la philosophie de l'Occident et de l'Orient est si importante qu'elle devrait être comprise par tous les étudiants de la pensée ésotérique. Par contre, le véritable chrétien en Occident considère la perfection physique avec le même degré de révérence que l'hindou adopte envers le développement spirituel. Dans le monde occidental et particulièrement en Amérique, l'art d'embellir le corps a atteint de telles proportions qu'il domine virtuellement tout enseignement philosophique. Bien qu'il y en ait beaucoup qui adoptent le point de vue extrémiste au sein duquel la perfection physique est le seul but pratique en vue de glorifier le temple du Dieu vivant, le bon sens dicte la nécessité d'un plan d'évolution équilibré dans lequel la matérialité et la spiritualité vont de pair. C'est ce qui est connu chez les scolastiques des sciences ésotériques comme le sentier médian. Oui, la voie centrale qui implique qu'une âme saine devra toujours être véhiculée par un corps sain, n'est-ce pas? Alors quand vous avez les points équidistants, toujours à votre commandement, alors vous ne pouvez pas faire autrement que de progresser très rapidement. Alors le véhicule est de très haute importance. L'embellir, l'ennoblir aussi bien que le vitaliser. Il y a conséquemment deux écoles de pensée telles qu'interprétées habituellement. L'école orientale qui croit que le seul chemin menant à l'atteinte de la spiritualité et du nirvana est dans la suppression de tout plaisir, sensitivité physique, désir sexuel et émotion. Et l'école occidentale qui croit que le seul chemin menant au salut spirituel et au ciel est en exerçant tous les sens au maximum, devenu saturé de matérialisme et de dépasser l'attraction de tels désirs qui sont contraires à l'atteinte du bien-être spirituel de l'aspirant. Telle est la manière par laquelle on voit habituellement ces choses. Bien sûr, de façon ésotérique, le nirvana et le ciel sont tous deux des états d'être au sein de l'individu qui l'amènent dans le premier cas vers une conscience d'absence totale de désir et dans le second vers un sentiment de béatitude totale. Dans les deux cas, sans égard à la méthode employée, toutes les lois du cosmos deviennent activées comme des principes dynamiques. On doit toujours comprendre que la matérialité, le soi matériel et l'environnement matériel, ne doit jamais être méprisé. La maîtrise théocristique est postulée sur le contrôle absolu du monde matériel dans lequel vous vivez. Le prolongement indéfini de la vie dans votre corps physique est la preuve ultime et finale de votre atteinte de cette maîtrise. Les deux écoles de pensée, l'orientale et l'occidentale, excellent en concentration, mais il n'y a qu'une approche dans le monde occidental qui s'applique à l'esprit occidental. Avant de considérer ceci, indiquons brièvement les dangers surgissant du point de vue oriental qui ont été corrompus par des pratiques physiques incomprises et contaminées par des superstitions païennes. Il y a des organisations ostensiblement de caractère spirituel qui enseignent des techniques pour fin d'augmenter le développement psychique et dont le résultat net mène à l'hypnose de l'étudiant. Ceci comporte plusieurs ramifications nocives et fortuné, et l'étudiant de la pensée ésotérique qui n'est jamais devenu victime de cette dictature psychique invisible. Chaque fois que vous entendez parler ou lisez au sujet d'exercices basés sur une concentration sur le vide, soyez assuré que vous êtes sur un terrain dangereux. Il n'y a rien de tel que le vide, l'absence de toute chose. Dès que vous cessez d'utiliser votre esprit en concentrant sur quelque chose, vous permettez à votre esprit d'être envahi par quelqu'un d'autre qui le concentre pour vous. Ainsi, avec le temps, vous deviendrez un automate dépourvu de la puissance de volonté de diriger votre esprit et vos affaires en accord avec votre propre meilleur jugement. Ceci est extrêmement dangereux puisque cela vous ramènera dans votre évolution au point où vous n'aviez pas encore développé un esprit indépendant. Ce qui était le cas d'un très grand nombre de médiums, on peut qu'ils atteignent de très hauts degrés de spiritualité en s'ouvrant toutes les influences habituellement de base astrale. Alors que, comme on mentionne au tout début, qu'il n'y a pas de vide dans la nature, la nature arbore le vide, et alors il faut toujours avoir une idée maîtresse, une idée racine, pour qu'on puisse y ajouter des choses précieuses. Et les moyens empiriques doivent être évités. Hein. Oui. Pour les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, le vide mental particulièrement, il y a une conférence vendredi prochain ici de Raphaël Payeur, qui est oui. Une personne qui, bien qu'étant très jeune, 22 ans, a un grand cheminement au travers d'incarnations successives et qui est un guide excellent en ce qui concerne justement ces pratiques du vide mental. Il est compétent dans le monopole de l'esprit. Ouais. Très bien. Ne fixez jamais votre vue sur un morceau de papier collé sur un miroir et ne fixez jamais votre réflexion dans un miroir à la lumière d'une chandelle. De tels exercices vous assujettiront à un contrôle hypnotique. Et dès que ce contrôle aura été atteint, soit par une personne vivante ou une entité désincarnée, vous êtes alors vraiment contrôlé. Du contrôle de l'esprit au contrôle du corps, la distance est courte. L'hypnose a mené à l'obsession. Il y en a eu tellement. À tel point qu'on a dû avoir recours à des exercices comme encore tout dernièrement, il y a deux ou trois chapitres d'exercices dans la plupart des patients qui se présentent absolument dans les archevêchés. Ce sont des cas comme ça, des gens qui voulaient développer une médiumnité outrancièrement aiguë. Et ils sont devenus véritablement déments et actuellement possédés. Ça prend des structures psychologiques très fortes pour jouer avec le psychisme. Il faut maîtriser le soi avant de se laisser envahir. On peut accepter des visiteurs, mais s'ils s'introduisent dans notre perruque, là, ils étant des... On n'a pas à remettre notre conscience entre les mains de personne. Ah non, on ne doit pas faire ça. Non. La maîtrise s'atteint par le contrôle du soi. N'oubliez jamais cela. À moins que vous n'appreniez à vous contrôler... Vous êtes apte à céder ce contrôle à d'autres. Et ceux qui veulent vous contrôler veulent toujours vous détruire. N'utilisez jamais des objets en cristal, des gonds, des surfaces réfléchissantes ou des dispositifs mécaniques de toute espèce pour fin de concentration. Vous pouvez atteindre des résultats rapides, mais vous vivrez en le regrettant. Ne concentrez jamais sur vous-même. Vous pourriez vous voir tel que vous êtes vraiment et non comme Dieu intentionnait que vous soyez. Ceci ne veut pas dire que vous ne devez pas vous accepter tel que vous êtes. Cela veut dire que vous ne devez pas et ne devriez pas vous attarder sur vos imperfections ou insuffisances présentes. Ça veut dire quoi, ça? Aime-toi, tel que tu es. Et ne concentrez jamais sur vous-même. Non, vous pourriez vous voir tel que vous êtes et non pas comme Dieu intentionnait que vous soyez. Ça veut non, dire je quoi? Regarde, non, Dieu, t'es pas un cadeau, jeune homme. Non, ben, pour bonhomme. Moi, j'ai tendance à m'appeler jeune homme. Hein? Alors, je me vois tel que tu. Ça me fait rejuvenir. Alors, il y a un danger donc au niveau du psychisme, là, le fait de cette concentration hypnotique oui. sur soi-même. L'idée que l'on a de soi. Peut amener à la conscience de la personne ses résidus psychiques aussi. Exactement. Ou des résidus, justement. Le bas astral vient à la surface. C'est ce que tu as évité. Ouais. Donc, il va voir toute la partie négative de lui-même. Et puis, qui exemplifie dans son comportement. Tout son aspect obscur. Exactement, oui. Et là, il va vivre une espèce d'apocalypse, au lieu de vivre l'apothéose. Ben oui, justement, ce mot-là, je l'aime bien. L'apothéose, c'est le rapprochement de Dieu. L'apocalypse, c'est-à-dire descendre aux enfers. Ouais. Le psychisme est de l'émotionnalisme transporté dans le plan astral. Toute image psychique a une base émotionnelle. Dès que vous avez maîtrisé vos émotions, le niveau psychique a été transcendé. Pour toute fin pratique, l'étudiant qui n'a jamais eu de vision ou entendu une voix, est plus avancé sur le chemin spirituel, pourvu qu'il ait une compréhension des mystères chrétiens, que la personne qui prétend établir contact avec des êtres astraux et qui est le récipient de messages supposés contenir des révélations infaillibles. Il y en a des gens qui envahissent le bas astral et qui cherchent toute occasion de s'incarner dans des personnes qui s'ouvrent imprudemment à leur influence. Ils sont, comme on dit, liés au plan terrestre, au lieu de poursuivre leur cheminement sur le plan supérieur, jusqu'à ce qu'ils atteignent. Alors ça, c'est typique du spiritisme, par Définitivement, exemple. Définitivement, c'est à condamner, non seulement c'est à condamner, mais c'est... Même les planchettes Ouija. Oui, les planchettes, tout ça, les tables tournantes, puis tout ça. Le cristal aussi, c'est très dangereux. Ah, ben oui, on voit dans le cristal, c'est de l'auto-hypnose, puis... Oui. Alors, il y a quelques 50 ans, ça, on peut connaître ces choses-là, les planchettes se vendaient à 2 ans un peu partout, comme les salles d'aliénés étaient pleines de ça. Alors, ça crée une brèche sur dans le psychisme de l'individu. Exactement. Qui est envahi ensuite par d'autres entités. Il a perdu contrôle absolument. Le psychisme est invariablement enraciné dans la conscience de la chose même qu'elle contrôle. Les femmes spécialement, chez lesquelles l'émotion est plus naturelle, sont fascinées par de tels contacts qu'elles peuvent être en mesure de faire avec des entités astrales désincarnées. Mais si elles recherchent à rompre cette connexion après avoir réalisé son effet détrimentaire sur la santé du corps, elles sont sujettes à craindre les abus insidieux de ces mêmes entités qu'elles avaient préalablement accueillies avec tant d'enthousiasme. Afin d'éviter la possibilité d'effets nocifs d'un tel désengagement, la victime psychique est amenée à croire qu'elle est, et ce ne sont pas toutes des femmes, un émissaire choisi bien en avant de l'évolution humaine normale. La crainte est alors remplacée par une nouvelle assistance, l'orgueil. Ah oui, ça c'est... Les gens sont missionnés. Ah, définitivement. C'est justement le jeu de ces entités astrales, c'est de faire croire au monde qu'ils ont des missions spirituelles. Alors, c'est une victime facile. Il y a bien des gens qui se glorifient de leur contact, leur supposé contact, qui ne se rendent pas compte que c'est une manipulation insidieuse. Mais c'est une déchéance qui ne tarde pas. La crainte et l'orgueil doivent être abolis par l'aspirant spirituel si l'initiation théocristique doit être atteinte. Si par hasard ceci devait vous concerner, il vous sera nécessaire de couper toute connexion avec le plan psychique aussi longtemps que vous possédez la crainte et l'orgueil associés avec ce contact. Bien que vous puissiez nier qu'il en soit ainsi, rien de plus vrai n'a jamais été écrit. Le véritable avancement spirituel procède à travers le contact avec la vérité et non avec les phénomènes. Voyez-vous, on a encore quelques écoles. Ça ne sera pas bien de mentionner leur nomenclature et qui enseigne ça directement, du psychisme sensationnel. On vous enseigne des méthodes rapides de dédoublement, de décorporation, de sortie en astral. Hein? Où allez-vous? Vous êtes dispersé dans comme dans les rues de Londres. On risque de se retrouver dans une poubelle, à Strasbourg, des déchets des humanités précédentes. Alors, il y a 34 écoles ici dans la province de Québec. Oh, il y en a plus que ça. Il doit y avoir une bonne cinquantaine aujourd'hui. Ben, il y a ce bottin psy qu'on appelle, hein, qui a 60 et quelques... Oui, mais ça a été fait il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a 352 mouvements, organisations dans le Québec sectaire. J'en doute pas. J'en avais compté dans le dernier bottin 60 et con, quelque chose comme ça. Ben, c'est massif, hein? On a vu ce qui est arrivé dans le sud des États-Unis, n'est-ce pas, avec des groupes comme ça, hein? La Jonestown et tout ça. Ça a commencé comme ça, dans ces choses-là. Alors, en prise psychique, ouais. Alors, on ne cherche pas du fichu, on veut du spirituel, on veut l'être été véritable. Ah. Alors, c'est toujours le danger de contact avec le plan astral plutôt que exactement. Le plan éthérique. C'est toujours l'astral intérieur. Oui. Ouais. Alors, la concentration, en contraste à la transe, est un état d'absorption mentale tellement profond que le corps physique, pour toute intention et fin, est profondément endormi et cependant conscient de son état d'éveil. Ceci pourrait paraître une contradiction de termes, quoiqu'un moment de réflexion vous convaincra qu'un tel état de conscience n'est pas seulement possible, mais qu'il est tout à fait commun dans plusieurs de ses phases intérieures, inférieures. Par exemple, à un temps ou à un autre, vous avez fait l'expérience, vous avez eu la sensation particulière de lire une histoire absorbante jusqu'au point de vous oublier totalement, ainsi que votre environnement durant cet intérim. Ceci peut aussi arriver en regardant un programme de télévision. Non seulement aviez-vous oublié que vous lisiez un livre ou regardiez un film en plein état d'éveil, mais toute sensation de vision, d'audition, de sensation, dégustation et d'odorat cessèrent temporairement leur fonction normale. Ainsi, votre état de conscience était celui du sommeil. Cependant, croire que votre lecture ou vision était un rêve rendrait difficilement justice aux faits. Bien que vous étiez dans cet état de rêve simulé, inconscient de votre environnement, vous viviez durant tout ce temps dans les scènes décrites par l'auteur. Ces scènes étaient tellement réelles, et chacun des caractères dans l'histoire était tellement vivant, que pour un certain intervalle de temps, vous aviez cru les scènes et les caractères véritables. Bon, vous voyez, ça, j'attire votre attention sur ce que je disais tout à l'heure au sujet de la nécessité de vivre la situation que l'on anticipe quand on désire quelque chose de bienfaisant. Mais vous êtes maître de la situation. Vous n'êtes pas sujet à une hypnose causée par un scénario quelconque. Vous contrôlez votre visualisation, votre projection. Vous avez un plan défini d'avance et vous le cultivez et vous l'animez. Mais au lieu de subir une impression qui peut venir de toutes les sources différentes et qui vous font perdre l'équilibre, quoi. Donc, il faut bannir toute espèce de transe. La transe, non. C'est perdre le contrôle totalement. Ça vient d'ailleurs, alors. C'est justement le symptôme d'une perte de conscience. Oui. Okay. Le sceptique pourrait fort bien interrompre et indiquer que l'entière description était une illusion et n'existait que dans l'imagination de celui qui l'entretenait. Étant d'accord que cela est vrai, comment une telle explication élimine-t-elle la réalité qui est expérimentée? Est-ce que le moulin à coton, par exemple, était moins réel parce qu'il a déjà existé dans l'imagination fertile d'Eli Whitney, son inventeur? Et si une telle visualisation est une illusion, comment une réalité peut-elle se concrétiser comme résultat? Le karma est une réalité pour certains et une illusion pour d'autres. La réincarnation est la doctrine du démon pour certains et une bénédiction des anges pour d'autres. L'astrologie est louée par certains comme la plus grande de toutes les sciences, alors que pour d'autres, c'est l'œuvre de charlatans. Conséquemment, si certaines personnes confondent une fausseté pour un fait, elle doit être traitée comme une réalité car elle est réelle pour la personne qui l'accepte. Par conséquent, pour le bénéfice du sceptique, nous devons commencer en imaginant des vérités plutôt que des illusions. Quand notre conscience d'éveil nous permet de concentrer sur une vérité, jusqu'à ce que l'on soit absorbé à 100% de sa signification et de son application, alors nous devons transcender notre environnement physique de la même façon que décrit précédemment. Dans ce domaine-là, vous devez être le maître de la situation. Vous visualisez une condition que vous avez désirée vous-même, elle ne vous a pas été imposée. Et vous êtes assez judicieux pour vous assurer que tout ce que vous introduisez dans votre paysage mental, c'est quelque chose de bienfaisant, non seulement pour vous-même, mais ce n'est pas malfaisant pour autrui. Ce n'est pas aux dépens d'autrui. Je désire une maison, ce n'est pas la maison de mon voisin. C'est une maison de ma propre création. Alors, quoi que ce soit. Alors, il faut qu'il y exerce son jugement et ne pas impliquer la participation des autres à leur insu, comme ça peut arriver parfois. On est des cas accidentels comme ça. Alors, il y a lieu de réparer les situations comme ça. Parce que c'est une épée à deux tranchants. Ça se réalise toujours. Dès que l'image a été vécue, il faut qu'elle se réalise, parce que l'embryon a été créé. Hein? La concentration n'implique pas une condition de transe des sens. On dit qu'un corps est en transe quand il a été évacué de son propriétaire légitime en condition d'hypnose, soit auto-induite ou par l'influence psychique d'un autre esprit. La concentration n'a rien à voir avec la médiumnité. Elle est un processus mental en contraste à la médiumnité ou la transe qui n'est qu'un processus purement psychique. À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, et ceci est rarement le cas, refusez d'admettre des intelligences inférieures comme contrôleurs de votre corps physique et votre esprit pour leurs propres fins particulières. Moi, je dirais même des intelligences supérieures jusqu'à ce qu'on ait un certain discernement. Ah oui, comment discerner entre les inférieurs et les supérieurs? Ben voici, c'est par la conscience qui entre en jeu dès le début. On a toujours une intuition si c'est bienfaisant ou malfaisant, ou si c'est douteux. Si c'est douteux, nani. Hein? Oui, mais les inférieurs ont la particularité de flatter l'ego, justement. Oh, définitivement. Oui, mais quand il y a un message bienfaisant pour l'humanité, pour notre environnement immédiat, il y a toujours ce sens de bienveillance qui s'impose. Et ce n'est pas de fumisterie. Si vous n'avez jamais vu une expérience psychique, vous êtes plus fortuné que vous ne le croyez. Si vous en avez une ou plusieurs, le temps est venu pour vous d'en comprendre la signification à la lumière des objectifs théocristiques. Les étudiants avancés de la science ésotérique peuvent retirer de cette discussion une conclusion impliquée. Qu'il soit su que quelqu'un ressente qu'il est avancé ou non, l'adhérence stricte à ses instructions est préférable à une expérimentation hasardeuse avec des forces qui sont à la fois puissantes et impersonnelles. Nous répétons encore ce mot de prudence. Ne vous engagez pas dans aucune forme de démonstration psychique en ce temps. Vous pourriez succomber à la pratique de la magie noire, soit par vous ou sur vous. N'écoutez que la voix de votre propre conscience inhérente. Suivez la vérité et non l'émerveillement. La clé est là. Écoutez la voix de votre propre conscience. La conscience ne fait jamais défaut parce qu'on porte un clan supérieur. Ouais. Donc attention à l'émerveillement. Oh, l'émerveillement, surtout. La somme du merveilleux puis du sensationnel. Ouais, c'est phénoménal. La vérité n'est pas un phénomène, c'est du noumen, véritablement. Elle s'impose par la force de sa véracité. En poursuivant l'exercice de visualisation que nous allons vous expliquer, vous serez apte éventuellement à pénétrer le monde astral d'en haut et non d'en bas. Non, c'est là. Vous serez apte à développer ultimement les plus hauts sens astraux de clairvoyance, de clairaudience, de prémonition, non par développement psychique, mais par la spiritualisation de votre entière structure émotionnelle. Un accomplissement d'un si haut caractère implique de tels concepts, et les énergies comme la Kundalini, les chakras et l'Antakarana, dont le tout vous sera expliqué dans les leçons subséquentes de cette instruction. Toute énergie est la même à la base, mais seulement quand elle demeure dans la base, dans la zone astrale d'influence inférieure, alors les effets sont toujours néfastes, ou du moins ont tendance à le devenir. Alors que dès que vous l'avez sublimé, alors les résultats sont non seulement satisfaisants, mais bienfaisants. Est-ce qu'ils veulent dire, dans ce chapitre-là, particulièrement, que la concentration mentale pourrait être utilisée dans le but de développer ou d'ouvrir les chakras, justement, ou la montée kundalini? Ils existent déjà, ils vivent. Ce sont des tourbillons d'énergie qui fonctionnent toujours. Mais seulement, leur tendance est de fonctionner en ascendance. C'est pour ça que l'on recommande cet exercice, de devenir conscient de l'énergie en ascendance. Vous partez de l'énergie tellurique, l'énergie du sol, et vous la faites monter tout le long de l'arbre de vie, afin qu'elle atteigne le centre christique et le centre chakra coronal, au lieu de concentrer sur le plexus solaire, proprement dit, afin qu'elle puisse se distribuer habituellement dans la zone génitale. C'est ce qui arrive dans le corps contraire. Alors, il s'agit de faire l'ascension du kundalini, puisqu'on veut se détruire. C'est la conscience, quoi. Alors, la conscience doit monter à son centre respectif, le centre christique. Alors, quand elle atteint le centre christique, il n'y a plus de danger qu'à redescendre dans l'enfer, dans une partie inférieure. Quels sont les chakras qui sont arrivés à ouverture, à fonctionnement aujourd'hui dans la cinquième race? Aina et Sahasrara. Ah non, ça sera Anahata, fonctionne déjà. Rishudol, on commence par Mooladhara. Mooladhara chakra, c'est oui. Alors, en termes chrétiens, là, catholiques... Ben, en endocrinologie, oui. C'est l'ampituaire, la glande pinéale, oui. L'hypophyse et tout cela. Et ils ont une nomenclature, c'est de l'endocrinologie. De glande endocrine, on s'appelle les glandes endocrines. Puis les chakras, ben, c'est simplement ces tourbillons qui multiplient leur vélocité à mesure que l'on dirige l'énergie vers ces endroits-là. Mais le plan idéal à atteindre le plus tôt possible après l'âge de puberté, c'est le centre christique. Alors là, il ne peut plus jamais redescendre. Alors, l'âge de puberté, on lui donna, il y en a qui ont certainement vu ça, qu'on lui donna un petit scapulaire qu'on appelait un Agnus Dei, qui représentait un cœur en feu. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Et ça voulait dire que l'élan vital devait se localiser au cœur, dans la zone cardiaque, au lieu de rester dans le bas astral. Et tous les exercices de piété qu'on lui recommandait à ce moment-là visaient à faire développer le culte du sacré-cœur, le cœur en feu, le cœur ardent. Alors, là, quand on atteint ce moment-là, après l'âge de puberté, là, il n'y a pas d'erreur, ça va toujours aller en ascendance. Puis quand ça atteint la gorge, le centre créateur, et là, le centre visionnaire. Et les facultés qui se développeront, naturellement, ce sera sur la clairaudience ou la clairvoyance, ou la sensation transcendantale, la psychométrie, quelque chose comme ça. Mais là, vous avez passé le point dangereux. Et quant au plexus solaire, ben, il fonctionnera toujours pour fournir l'énergie au centre christique. Ce que vous pouvez expliquer, c'est quoi la psychométrie? La psychométrie, ça consiste à être tellement sensitif que vous pouvez, en prenant un objet, par exemple, sentir l'émanation de la personne qui l'aura manipulé. Vous savez qu'un chien, par exemple, a beaucoup de flair. Alors, vous lui donnez un gant parmi une multitude d'autres gants de même aspect. Il va déterminer celui que j'avais porté parce que l'émanation de ce gant-là est la même que celle qui émane de vous, hein? Alors, la psychométrie consiste à pouvoir détecter l'identité qui est entre l'émanation d'une personne et la personne même. Ça, c'est la fonction principale. On peut donc avoir accès à toute l'histoire de l'objet aussi, oh, définitivement, de ses oui. propriétaires. Oui. Dans les cas de guérison, par exemple, on peut employer ça de manière objective et directe en faisant manipuler un objet de cire, par exemple, de nature animale, le cire, hein, cire d'abeille, par une personne. Et pour établir un contact avec elle, pour faire de communiquer une suggestion thérapeutique, vous tenez cet objet-là. Alors, vous sentez sa présence en tenant cet objet-là. Parce que cet objet de cire a été émané de sa présence, de son essence. Hein. Alors, toutes les substances animales, de la laine, de la cire d'abeille qui est animale, on a même essayé ça avec des perles, qui est de la nature animale. On pense qu'une perle métallique, c'est faux, c'est animal. Alors, va émaner la même longueur d'onde que la personne qui l'aura portée. D'ailleurs, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle on utilisait du parchemin végétal pour faire les... oui. Comment est-ce qu'on appelle ça? Les pentacles? Les pentacles, oui, justement. Les pentacles, oui, ces choses-là. Oui. Alors, il y a des substances comme ça qui sont plus psychoplastiques, qui reçoivent l'émanation humaine ou animale aussi. Alors, ça, c'est justement ça qu'on appelle la psychométrie. Ouais. Mesurer psychiquement la qualité des objets. C'est un flair qui est total, il vient des mains, parce que, comme je disais tout à l'heure, nos mains sont véritablement des antennes, puis non seulement ils peuvent émettre, mais ils peuvent aussi capter des ondes dans des personnes, puis identifier des ondes avec la personne qui les aurait émises. Ouais. Donc une lecture psychique des vibrations d'une personne. Ce sont des vibrations. Par le support d'un objet qui lui a exactement apporté. Exactement ça, ou un témoin. C'est ce qu'on appelle habituellement un témoin, ouais. Ouais. Il y a bien des sciences qui se prévalent de cette faculté-là. Alors là, ce n'est pas du psychisme proprement dit, c'est simplement du paraphysique. Est-ce qu'on va voir dans les leçons qui suivront là, des exercices de développement des chakras Kundalini? Exactement, oui. C'est là avec c'est autant détails, de clarté oui. que oh, oui. dans cet exercice. Oh oui, je vois comme c'est précis. Oui. Ça devient de plus en plus précis. Mais je pense qu'à mesure que les gens se familiarisent avec le style et sa présentation, ils vont dire oui, ça mène quelque part. Quoique c'est tortueux un peu. Mais après un certain temps, tout va se clarifier, soyez-en sûr. La première chose essentielle en concentration est de placer les sens physiques dans un état de quiétude et d'assoupissement. Oui, pas d'hypnose, c'est là que le point important. Pas dans un état d'hypnose et de léthargie, dans un état d'alerte. Disons un état d'alerte. Oui. Il n'y a rien d'antinaturel à cette procédure. Chaque nuit, nous plaçons nos sens physiques dans un état d'inactivité, et pour une période plus ou moins étendue, sommes inconscients de notre environnement. Aucune personne saine ne dirait que le sommeil est une condition de transe. Cependant, il est possible que ce sommeil soit si profond que certains des effets de transe soient présents, comme la séparation du corps de son tenancier. Oui. Oui. Mais là, il n'y a rien de danger, parce qu'il n'y a pas eu d'intention de violenter le fonctionnement du corps. Dans certaines conditions, la décorporation est inévitable. Alors, en fait, dès que vous endormez, c'est parce que vous êtes temporairement isolé de votre corps. Autrement, vous ne dormiriez pas. Mais là, vous êtes toujours en pleine possession de vos facultés. Le corps seulement est à l'état de repos et l'esprit demeure à proximité du corps. Donc, en parlant de la séparation du corps, là, quand cette dernière situation est apparue dans le processus naturel que nous appelons le sommeil, l'étudiant a accès à des sources de connaissances refusées à cette même personne durant l'état de conscience d'éveil actif. Le psychologue, le théologien, le métaphysicien et le scientiste spirituel ou l'ésotériste ont tous leur interprétation individuelle de ce phénomène. Certains l'appellent inspiration, d'autres intuition, ou encore d'autres télépathie subconsciente. Quel que soit le nom qu'on veuille lui donner à ce stade de l'instruction, le fait demeure qu'il est possible pour quelqu'un de s'endormir le soir avec un problème insolvé et de s'éveiller le matin avec une véritable réponse claire et concise. C'est très bien, c'est ça que vous chargez votre esprit subjectif d'un problème quelconque et à la faveur du sommeil, il va se résoudre à votre insu pour se révéler dans toute sa lucidité, à votre réveil. J'aurais pu y penser, mais j'étais trop occupé par les hasards de la vie de l'objet. Alors ça se réveille. Le bourdonnement de la ruche mentale. Exactement, oui. Mais quelle est votre explication, si vous en avez une, s'il en existe une, parce que je ne pense pas qu'il en existe une aujourd'hui de vraiment prouver ou expérimenter scientifiquement, dans le phénomène d'une personne qui décide, par exemple, en se couchant, de se réveiller, qui s'autoprogramme pour se réveiller à 6 heures du matin, et qui peut changer sa volonté, et l'heure est toujours parfaitement celle qu'il a demandé à être réveillée. Qui réveille cette personne-là? Quel est le mécanisme? L'inconscient subliminal. Celui qui a reçu le premier message, hein? Bon. Alors, on a fait une distinction entre l'objectif, subjectif et subconscient. Mais dès que vous avez isolé une idée, elle a tendance à se réaliser. Et la première idée, celle qui a frappé votre imagination, se réalisera toujours. On dit que quand il y a conflit entre la volonté et l'imagination, c'est toujours la dernière qui l'emporte. Parce que le subconscient travaille par image, pas nécessairement des formes verbales, des commandements verbaux. Alors, des images. Alors, j'ai imaginé une heure, vous l'avez visualisé sur votre cadran, alors là, ça va s'enregistrer. Et l'heure précise, prédéterminée, vous vous réveillerez, vous direz, non, j'ai changé d'idée, alors il faudra faire une autre suggestion. Quand cette dernière situation est apparue dans le processus naturel que nous appelons le sommeil, l'étudiant a accès à des sources de connaissances refusées, donc, à cette même personne durant l'état de conscience d'éveil actif. Bon, je relis ce chapitre-là. Le psychologue, le théologien, le métaphysicien, le scientiste spirituel ou les ésotéristes ont tous leur interprétation individuelle de ce phénomène. Certains l'appellent l'inspiration, d'autres intuition ou encore télépathie subconsciente. Quel que soit le nom qu'on veuille lui donner à ce stage de l'instruction, le fait demeure qu'il est possible pour quelqu'un de s'endormir le soir avec un problème insolvé et de s'éveiller le matin avec une véritable réponse claire et concise. Puisqu'il en est ainsi, il s'ensuit qu'il doit avoir quelques méthodes scientifiques d'acquérir la connaissance immédiate d'un sujet quelconque, sans égard à sa nature et sans dépendre de solutions soi-disant de hasard. Cette méthode scientifique comprend ces 6 exercices mentionnés dans la leçon précédente, dont la concentration est la première à maîtriser. En d'autres termes, il est possible d'établir le même type de communication télépathique durant une concentration silencieuse, comme vous le seriez si vous alliez vous endormir profondément, tout en concentrant sur quelques problèmes difficiles. Toutefois, ce n'est seulement que durant une concentration silencieuse que vous pouvez contrôler avec quelques degrés d'efficacité les résultats que vous désirez. Alors le subconscient travaille toujours à votre insu, et il est infiniment plus sage que ce que vous avez retenu dans votre cerveau objectif de documentation depuis votre naissance. En plus, ça, il y a accès à la mémoire de toute la race. Et on a des exemples dans le cas des inventeurs, par exemple, qui ont travaillé sur des problèmes pendant des semaines et des semaines, et finalement, ils ont abandonné en disant, je me sens entre les mains de la providence ou quoi, de l'âme collective, l'âme de la race. Et finalement, en se réveillant, ils avaient le développement de tout leur temps. C'était le cas de Nikola Tesla, qui en parle très savamment. Il a travaillé pendant des mois sur ce mur de lumière. Hein. Finalement, en se réveillant, un bon matin, il dit « Enfin, je l'ai, il est à temps que ça se révèle. Hein. » Alors Tesla, bien d'autres aussi. Marconi avait la même chose aussi, parce qu'il était toujours en communication. Ouais. Il y a trois périodes principales durant le jour qui sont favorables à la concentration. Un bon temps pour se concentrer est immédiatement après votre période d'étude. Un temps un peu plus favorable serait dans la soirée après vous être reposé. Le meilleur temps de tous est le matin, avant même de vous lever de votre lit. Et la combinaison des trois vous apportera les résultats les plus rapides. Toutefois, sans égard à quelle méthode... Il y a une petite erreur là en tout cas. Sans égard à quelle méthode vous est la plus convenable, elle doit être suivie quotidiennement et à la même heure. Vous ne pouvez arriver à aucun progrès phénoménal dans l'étude ésotérique si vous procédez par intermittence ou ne considérez pas la nécessité d'une concentration constante. Constante et régulière aussi. La régularité d'exercice a beaucoup à faire pour imprégner le cerveau. Alors un exercice, que ce soit... une pratique musicale ou n'importe quelle autre étude, que l'on fait toujours à la même heure, toujours dans la même condition, aura un effet bien plus rapide que dans toutes autres circonstances. Et le matin, au réveil, c'est intéressant parce que... l'esprit est reposé, alors l'énergie est à son maximum. Et le cerveau émet des ondes alpha, puisqu'on n'est pas sorti encore du sommeil. C'est ça le point. Alors, les dendrites le sont neuves, précisément, oui. D'ailleurs, la raison pour laquelle les religions nous demandent de prier le soir avant de s'endormir, puis le matin au réveil, puisque c'est les deux états alpha du cerveau, donc la porte est ouverte pour engranger ou prendre de l'information. Dans les exercices que l'on fait la nuit, l'aude, les nocturnes, tout ça, c'est basé sur ces faits-là. Les conditions les plus favorables pour impressionner le subconscient et la nécessité d'une certaine technique. Puisque le sujet entier de cet exercice est de mettre les sens physiques au repos, il s'ensuit que la concentration implique la relaxation. Mais relaxer ne veut pas dire seulement trouver une position confortable. Cela signifie de relâcher toute tension musculaire et nerveuse. Aussi longtemps que vous vous sentez tendu, en un endroit quelconque, même par une attitude expectante, vous faites échouer le but de l'exercice. C'est pourquoi nous recommandons la concentration au réveil avant la levée du corps. À ce temps, le corps est parfaitement détendu, le cœur bat avec un minimum d'effort, et l'esprit n'a pas encore été absorbé par les pensées du jour. En premier, vous penserez à n'importe quel sujet, sauf celui auquel vous devez. Ceci n'est pas inhabituel. Ne soyez pas découragé si au début vous trouvez difficile de contrôler votre esprit. Vous augmenterez votre habileté avec chaque semaine qui passera. C'est ça qui est important. À mesure que vous progressez dans ce domaine-là de l'autoconscience, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus habituel, et vous le faites inconsciemment. Même avant de s'ouvrir les yeux et devenir conscient de notre environnement immédiat, prendre cette idée basique, qui est la clé de tout succès. Alors, ça se prend instinctivement après un certain temps. On dit, là, je comprends la procédure. Votre succès avec cette instruction dépendra directement sur le montant de la force de pensée que vous pouvez amener à transporter sur votre objectif, qui dans ce cas signifie l'identification absolue avec le symbole de la croix sertie. La beauté et la signification de ce symbole ouvrira des perspectives incomparables dans votre expérience du nouveau monde. C'est quoi cette croix sertie? Ah, j'en apporterai une copie, je l'ai faite dessiner. Ils sont pas mal semblables. C'est une croix qui contient les 13 centres d'initiation à travers la planète, hein? Sorti de bijoux. Le centre christique est dans l'intérieur, la terre intérieure. Les autres sont les différents centres d'initiation qui sont distribués à travers la planète. Je l'apporterai ici, c'est indispensable. Alors, ce sera quelque chose qu'on pourra mettre à proximité ici. Alors, chaque centre aura sa signification, puis aura son histoire. Une quoi sorti joyau. Et je pense, je ne sais pas s'il n'y en a pas une illustration à la fin de ce thème-là. Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai pas copié, je ne crois pas. Bon. Alors, j'en ai fait un grand, la grandeur d'un corps, en couleur, hein. Et les diamants, des saphirs. Bon, je vais relire ce petit chapitre-là sur la croix sertie, pour savoir, pour se rappeler à quoi ça sert. Votre succès avec cette instruction dépendra directement sur le montant de la force de pensée que vous pouvez amener à transporter sur votre objectif, qui dans ce cas signifie l'identification absolue avec le symbole de la croix sertie. Ok. Si vous voulez maintenant vous rapporter à la fin de cette leçon, vous trouverez un dessin de la oui, croix certifiée. Oui, mais c'est ça que j'ai agrandi pour en faire un cadre, justement, oui. Alors, je n'ai pas pu l'inscrire dans ça, parce qu'il était trop petit, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'était pas en couleur. Alors, elle est appelée ainsi car cet emblème de l'école théochristique réunit 7 rubis rouges, 5 saphirs bleus et un seul diamant transparent de couleur blanche. Les rubis se trouvent dans la partie du bas, les saphirs dans les 3 parties supérieures et le diamant dans le centre de la croisée. Le diamant est la conscience christique, le centre christique proprement dit. Ah, c'est pour ça que je l'ai fait dessiner, alors je l'apporterai, dimanche prochain, je l'apporterai. Avec ces indications, on peut déjà en reproduire une. Oui. La croix elle-même devrait être de couleur or. Oui. Sur un fond violacé. Même sur un fond violacé et puis un relief comme ça. Ok. Nous vous suggérons de prendre le symbole de la leçon et de le placer dans un petit cadre ou bien préservez-le pour votre usage. Nous suggérons qu'éventuellement vous preniez soit de la peinture ou des crayons afin de peindre ou colorier les pierres et la croix telles que décrites dans le paragraphe précédent. Cela vous aidera à visualiser ces couleurs à mesure que nous pénétrerons dans les phases plus avancées de cet exercice. Pour commencer, visualisez le diamant sur la croix telle qu'une lentille à travers laquelle vous concentrez votre énergie électronique sur un problème donné. Alors, avec la croix en pleine vue, répétez la formule de la leçon précédente ou toute variation de celle-ci qui soit appropriée à vos circonstances personnelles. Faites ceci pour 7 ou 10 jours. Visualisez toujours votre pensée électronique en circulation, focalisée sur votre problème économique par le secours de votre lentille diamantée. L'entourage constant du symbole aura un effet ennoblissant sur votre esprit, et à mesure que vous progresserez dans le travail, vos pensées surgiront de plus en plus pures jusqu'à ce que le problème sur lequel vous avez concentré disparaisse pour ne plus revenir. Ah, c'est précis, hein? C'est exactement ce qui arrive. Ouais. La solution se fait automatiquement et magiquement. Donc c'est un genre de catalyseur? Précisément. C'est l'équivalence de dramatiser le signe de la croix en reliant les forces d'en haut vers le bas et les forces des 4 coins de l'univers. Ouais. Alors, ça, on l'aura ici, puis on le laissera ici, il ne faut pas forcément le laisser ici. Okay. Ne soyez pas découragés si les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Elles ne le peuvent seulement qu'en proportion de la pureté de votre circulation électronique. Comme le diamant agit aussi bien comme lentille et filtre, il élimine les pensées qui ne peuvent avoir d'effet bénéfique sur la résolution de vos problèmes personnels. Sachez ceci, que derrière les lentilles se tient un nouveau monde qui vous amènera aussi près de Dieu que vous voulez l'être. L'apothéose. Quand vous êtes devenu assez noble pour contacter cette source qui est actuellement en vous, vous ferez l'expérience de la matérialisation de vos idéaux les plus élevés et de la précipitation de l'extériorisation de vos aspirations les plus élevées. Le gardien du seuil sera l'ange de votre propre être divin, revêtu de dignité christique. Méfiez-vous de toute autre interprétation. Bon, vous voyez alors que je vous mets au fronton de la divinité et la porte s'ouvre immédiatement. Mais ce qui est intéressant aussi, pour contacter cette source qui est actuellement en vous. Ah oui, définitivement. Donc oui. Il ne s'agit pas de s'imaginer monde extérieur. Elle existe en déjà, elle existe déjà. Il s'agit que d'introduire la clé en la prenant par le bon bout. Le gardien du seuil sera l'ange de votre propre être divin revêtu de dignité christique. C'est quoi ça, le gardien du seuil? On a souvent parlé du gardien du seuil, c'est-à-dire ce démon négatif qui vise à nous faire dévier de la rectitude. Hein? Bon, alors il y a un aspect bienfaisant sous la forme de l'ange gardien, hein? Votre moniteur intérieur. Hein? Le gardien du seuil peut avoir 2 aspects. Après que vous aurez concentré sur la manière décrite ci-dessus pour la période déterminée, mettez de côté le symbole de la croix et focalisez votre esprit pour le reste du mois en accord avec la procédure suivante. Placez-vous confortablement à l'aise pour votre étude à l'endroit qui vous convienne. Baissez l'éclairage si nécessaire pour empêcher toute distraction et fermez vos yeux. Visualisez un fond violet absolument dense. La nuance de couleur est la même que la plus haute vibration visible du spectre solaire. Si vous doutez, consultez n'importe quelle bonne carte de couleur. On porte d'infrarouge à l'école ultraviolet. L'ultraviolet, c'est le point le plus élevé du spectre solaire. Alors, on prend ce fond violet pour y mettre la croix. Alors, ça, ce sera indispensable pour ceux qui voudront faire le travail pratique. Alors, on donnera tout le matériel qui est nécessaire pour ça. Ce fond violet doit être considéré comme un écran akashique qui, dans un temps futur, devrait révéler des scènes de vos vies antérieures. Mais pour le présent, il sera employé comme un moyen de focaliser votre concentration sur la croix sertie. Sertie de couleur, justement, de joyau. Alors, vous trouvez ça étrange, n'est-ce pas, quand, à la faveur de cette méditation-là, parce que c'est une méditation, vous verrez subitement apparaître des clichés, des scénarios qui ont trait à votre vie intérieure, votre vie antérieure. Et vous direz, mais c'est comme c'est étrange, je n'ai jamais expérimenté cette chose-là, cependant, j'y suis concerné. Alors, ça sera, la porte sera vraiment ouverte à ce moment-là. Quand vous êtes en mesure de visualiser cet écran violet pour plusieurs secondes, alors matérialisez graduellement la croix sertie exactement comme montré par le symbole. Commencez par visualiser les bijoux, en premier lieu les 7 rubis, en second lieu les 5 saphirs et finalement le diamant. Visualisez la croix comme étant composée de l'or métallique le plus pur et les bijoux comme étant les plus fins et les plus élégantes pierres précieuses. Visualisez le symbole en entier, comme s'il était à travers un écran, plutôt que sur un écran. Votre fond violet ne doit jamais être un médium réfléchi comme un miroir. Il doit toujours être un écran transparent. Gardez toujours ceci à l'esprit, dans cette leçon et dans toutes les autres à venir où cette visualisation est transportée. Premièrement, visualisez l'écran, et alors le symbole dans la forme de la croix, et finalement les pierres précieuses. Après que vous aurez maîtrisé cette procédure à un degré, intensifiez la couleur de la croix jusqu'à ce qu'elle devienne illuminée avec une lueur et une chaleur dorée persistante. Bon, voici, c'est quelque chose de phénoménal, ou plutôt c'est nouménal. C'est un phénomène de lumière, mais seulement la lumière qui sort, c'est la lumière de votre propre arbre de vie, de vos chakras. Bon. Alors, cette lumière que vous voyez devant vous maintenant, c'est la lumière qui est à l'intérieur de votre arbre de vie. Tous ces chakras qui sont maintenant projetés en dehors de vous. Alors là, vous êtes vraiment conscient de la lumière qui réside à l'état latent en vous, parce que vous en avez eu la réflexion d'abord, en dehors de vous. Il n'y a rien de mystérieux dans ça. C'est tout à fait naturel. Intensifiez l'éclat des rubis et des saphirs jusqu'à ce qu'ils éclatent en une flamme incandescente. Intensifiez la radiance du diamant jusqu'à ce qu'il scintille avec une brillance éblouissante. C'est ce qui devient votre propre champ magnétique. Puis le diamant qui brille par-dessus, c'est-à-dire au-delà de toutes les autres couleurs, c'est ce diamant frontal, c'est la glande pinéale. Alors, toutes les autres couleurs qui font partie de votre champ magnétique, de votre aura, sont conditionnées par celui-ci. Mais celui-là, c'est lui qui est le premier qui est le diamant principal. Alors, ce diamant-là, qui contrôle tous les autres chakras de votre système, dirige son énergie vers tous les autres. Et là, vous êtes vraiment conscient de votre entité psychique, de votre entité spirituelle, de votre arbre de vie dans toute son intensité. Ça, c'est vraiment le chandelier à ses branches de l'Apocalypse. Ouais. À la fin, encerclez le symbole entier avec un halo de feu argenté. Ça, c'est le corps éthérique, proprement dit. Il est blanc, un blanc argent comme du mercure, hein? Mercure mobile. Maintenez cette image dans votre esprit jusqu'à ce que vous commenciez à vous fatiguer. Quand la fatigue apparaît, vous avez atteint la limite de votre concentration. Laissez votre travail de côté pour la soirée et reposez-vous. Après que vous aurez maîtrisé la construction mécanique de cette croix sertie, concentrez sur le diamant aussi loin que votre capacité vous le permettra. Il a 12 facettes visibles et une 13e cachée, symbolisant les 12 départements et fonctions de l'ordre divin. Chaque vertu que vous achevez dans le processus de votre évolution de caractère, telle que signifiée par les 12 pierres, vous permet de maîtriser le concept qui vous donne le contrôle sur le département ou la fonction correspondante. Bien que votre maîtrise procède de votre vie intérieure, à vos affaires extérieures, de l'intérieur à l'extérieur de la personnalité à l'environnement. Tout de cette relation sera expliqué dans les leçons ultérieures. Ben, comme vous pouvez voir, cela est bien énigmatique. Mais je vous assure que dès que vous aurez compris et appliqué cet enseignement-là, et vous serez identifié avec ces exercices-là, vous direz, tout s'illumine maintenant. Et ça s'illumine parce que cette lumière que j'ai éveillée provient de moi, de ma propre lumière, ma lumière pinéale et des lumières de tout mon art de vie, de tous mes chakras, qui seront projetées devant vous, et là, vous en serez vraiment conscient. Alors, ce n'est pas une chose mystérieuse, c'est une chose qui est inusitée, mais qui arrive à tout illuminer. C'est le processus d'illumination, véritablement. Et l'illumination vient de vous-même, parce que la lumière est intérieure, dans vos chakras. Ce sont des centres de lumière, des tourbillons de lumière. Chaque concept tel qu'il est délivré par la pratique d'une vertu correspondante est capable de pénétrer le diamant de la croix sertie. Un initié peut la faire luire, un adepte peut la faire flamber, un maître la ferait éclater jusqu'à son incandescence. Voyez ce que vous pouvez faire. Après une semaine de cette concentration, ou aussi longtemps que vous le sentirez nécessaire, combinez votre visualisation avec votre énonciation, auditivement ou silencieusement, de la formule du mot donné dans la leçon précédente. Répétez la formule aussi souvent que vous le pouvez, en focalisant votre pensée à travers le diamant, sur le but duquel vous cherchez à utiliser la valeur que vous créez. Dites les mots avec toute la sincérité et la sensation de votre commande. Laissez-vous littéralement submerger par la croix, vous éprouverez en même temps une unité avec Dieu et la nature, d'incomparable à tout ce que vous avez pu connaître auparavant. Ça a l'air énigmatique, ça, mais je vous assure que quand vous l'aurez réalisé, et à mesure que vous le réaliserez, vous direz que ça devient de plus en plus lumineux. Et cette lumière, je me répète, provient de vous-même. C'est la lumière qui est échelonnée tout dans votre arbre de vie. Chercher la phrase en question. Ouais, c'est tout de même. En tout cas, je l'ai passé. Après une semaine de concentration, ok. Après une semaine de cette concentration, ou aussi longtemps que vous le sentirez nécessaire, combinez votre visualisation avec votre énonciation, auditivement ou silencieusement, de la formule du mot donné dans la leçon précédente. Donc c'est la grande phrase, ça qu'on a lu tout à l'heure. Ok. Faites ceci pour le reste du mois, ou aussi longtemps que vous continuerez d'étudier cette leçon. Le succès que vous obtiendrez avec cet exercice déterminera le degré de votre excellence future, avec l'étude comme un tout. Soyez consciencieux dans votre pratique quotidienne. La discipline est le prix de la liberté. Ne vous contentez pas de contours ombragés dans vos essais de visualisation. Une image embrouillée indique un esprit mal focalisé. Concentration signifie un point unique. Plus votre degré de concentration est élevé, plus votre image est claire. Recherchez toujours l'image parfaite. Essayez de voir le symbole si vivant que vous pourrez compter les pétales sur les rubis, les points sur les saphirs et les facettes du diamant. Essayez de visualiser l'aura argentée entourant la croix avec tellement de clarté qu'elle puisse être vue comme un contour défini. La précipitation vous est acquise comme un principe dynamique de matérialisation seulement quand elle est accouplée avec la concentration jusqu'à l'atteinte d'une image claire. Soyez patient, soyez persévérant, soyez humble. Vous avez fait un autre pas important vers l'initiation théochristique. Et voici. Maintenant, on vous donnera un cliché, une illustration de cette croix. Et ça sera souhaitable, même préférable, que vous la coloriez vous-même, d'après les instructions qui vous seront données, n'est-ce pas? Et, à force de concentrer ainsi, vous éveillerez cette croix intérieure qui est votre arbre de vie, avec toutes ses ramifications. Et là, ça deviendra un sujet d'adoration, véritablement. On a, dans notre religion chrétienne, on a le Saint-Sacrement sur lequel on médite, n'est-ce pas? Qui est le Christ au centre du soleil, la conscience solaire. Alors, c'est la même chose, là, c'est la voix de la croix et la voix christique que l'on mélange. Ça a pour effet fondamental de changer le taux vibratoire des différents corps exactement, de la personne, de l'élever en vibration, oui, c'est oui, ça? Oui, exactement. Vibration atomique de chacune de ces cellules. Précisément, c'est exactement ce qui arrive, oui. Alors, parce que tous ces chakras sont des tourbillons d'énergie qui tournent incessamment. Alors, vous pouvez en accélérer le mouvement ou le laisser subir ces vortex à mesure qu'ils se développent graduellement. Mais on peut les intensifier à volonté. Et dès que vous l'avez intensifié, vous êtes véritablement conscient de votre arbre de vie, avec toutes ses ramifications. Eh bien, voilà qui clôture donc cette première session en compagnie d'Alexandre Lachance. Ça peut vous sembler énigmatique tout ça un peu, mais je vous assure qu'à mesure que nous allons poursuivre, Là, je vois clair à travers tout ça. Mais au tout début, ça peut vous aveugler. Mais soyez-en sûr que les premières lueurs vont être très lucidiques. Alors la deuxième session commencera le 4 août prochain, donc avec un premier chapitre intitulé « Le clavier cosmique ». Et oui. Là, je vous garantis, c'est du stock. J'ai passé sur ces 10 pages, j'ai passé une semaine de réflexion, une journée quasiment sur chaque chapitre. C'est fantastique. Oh, oui, et ça va débuter, ça, la deuxième session, donc, en compagnie d'Alexandre. Alors, on le remercie beaucoup pour tous les efforts et la lumière qu'il nous a apportée. Merci. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous invite aussi à vous procurer donc particulièrement cette deuxième cassette puisqu'elle contient donc la description de cette croix certie qui va servir plus tard à d'autres.